Ok, donc on est en direct hein, pour une petite partie de jeu de rôle. On va jouer au jeu Odyssea. C'est un jeu de rôle où on revit le voyage d'Ulysse à travers une mer en ruine envahie par la forêt. Donc en fait, on rejoue l'Odyssée, mais décalé dans la forêt de Milvaux. Et c'est une partie un peu spéciale puisque du coup, c'est Thibaut qui va être le confident, c'est-à-dire le meneur de jeu, hein, tout simplement. Et moi je vais être joueur alors que d'habitude c'est moi l'auteur donc c'est moi qui maîtrise le jeu parce que c'est un tutoriel donc grosso modo bah, Thibaut est un peu il a un peu bossé le jeu quand même en avance mais je vais lui donner deux trois directives deux trois conseils en quelque sorte pour lui apprendre à maîtriser le jeu et bon bah du coup ça va vous être utile à vous qui écoutez si vous aussi vous aviez des difficultés pour prendre en main Odyssea. Sachant qu'il y a quelques prérequis quand même, hein. C'est que Thibaut, je t'ai demandé d'écouter notamment le tutoriel sur Inforenza Minima parce que bah, en fait Odyssea ça utilise les règles de base d'Odyssea d'Inforenza Minima et on va peut-être passer un peu vite sur ces règles de base parce que du coup je me suis embêté à déjà faire un tutoriel dessus. Donc là, on va plutôt s'intéresser aux trucs qui sont vraiment spécifiques bah, à l'univers d'Odyssée, quoi. Bon, après, c'est pareil, hein. Toi, tu as peut-être deux, trois points précis du jeu qui te posaient principalement problème et à la limite, on fera ça en priorité. Je pense que ce sera plutôt une question ouais, d'application dans le mouvement en fait. Donc Ok, je pense qu'on ouais, verra ça pendant d'accord. la partie plutôt, voilà. Ouais, t'as pas forcément vu comme ça à la Non, lecture. c'est ça, voilà. C'est pas de point précis, mais plutôt un déroulé général. Ok, impeccable. Donc, partant de là, bah, du coup, on va créer les personnages, tout bêtement. Je refais vite fait le pitch, hein. Donc, Eric et Isabelle, vous voyez un petit peu l'Odyssée? Oui, bien sûr. Vite fait, hein, dans les grandes lignes, hein, je ne vous demande pas d'avoir une connaissance encyclopédique du truc. Bien sûr. On refait l'Odyssée. Bon, évidemment, ça va varier puisque là, c'est du jeu de rôle, quoi. Donc, les choses vont se passer différemment. C'est censé être joué en campagne, c'est-à-dire en partie, genre, peut-être, tu fais 4-5 séances, quoi. Là, on n'en fait qu'une, donc on va partir en milieu. C'est-à-dire que normalement, la campagne, ça démarre, du cheval de Troie et ça finit quand on retourne à Ithaque. D'accord. Ithaque, donc, qui est la ville d'Ulysse. Donc Ulysse, c'est un personnage important dans la guerre de Troie. Donc il rentre une fois la guerre de Troie terminée, il prend un bateau pour rentrer donc à Ithaque, son île, où l'attend son épouse Pénélope. Là, il va Alors galérer. déjà, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des choses qui varient par rapport au véritable univers de l'Odyssée. C'est qu'en fait là, si tu veux, là, les dieux commencent à agoniser. Et il y a une prophétie qui a dit que quand Ulysse arrivera à Ithaque, en fait, c'est la dernière légende, quoi. En fait, ce qu'entraîne le voyage d'Ulysse, c'est la dernière des grandes légendes. Donc, déjà, si tu n'en fais pas partie, tu es juste personne dans l'histoire grecque, quoi. Et c'est même pire que ça, parce qu'on raconte que si tu meurs, en fait, avant d'arriver à Ithaque, la légende va t'oublier, quoi. Donc, il faut absolument rentrer à Ithaque. Donc c'est valable pour Ulysse, mais aussi pour en fait pour tout son équipage, quoi. Et en fait, la légende dit que quand Ulysse arrivera à Ithaque, en fait, les dieux mourront et la forêt qui a déjà commencé à envahir la forêt, la forêt qui a envahi la forêt, la forêt qui a commencé à envahir la mer, eh bien, elle va finir par boucher la mer tout à fait. Il y aura plus du tout de mer, quoi. Il n'y aura plus de mère, il n'y aura plus de dieu. Et puis, il y aura plus de héros, quoi, aussi. Hein. Ce sera vraiment la fin d'une époque. Donc, voilà. Je pense que je ne vais pas vous casser trop la tête avec plus de précision. Avec la permission de Thibaut. Si, juste, quand même. Avec Thibaut, on s'était mis d'accord sur où est-ce qu'on commençait. On va faire comme si on était en milieu de campagne. C'est-à-dire que le bateau a déjà fait un petit peu quelques traversées, quoi. Et on pensait faire deux îles. D'abord l'île du Cyclope, hein, Thibaut. Oui, c'est ça. Et ensuite l'île des morts. L'île des morts, en fait, c'est les enfers, quoi. C'est là où vivent les morts. D'accord. sachant que comme c'est du jeu de rôle, tout peut arriver. Ça se trouve, peut-être qu'on n'arrivera jamais à l'île des morts parce qu'il sera, il sera passé X truc qui fait qu'on sera allé ailleurs, quoi. Mais bon, si on peut se tenir, on a à peu près ce programme-là. Du coup, l'idée, c'est que... Thomas, est-ce que tu pourrais me redonner le nom du personnage que tu avais évoqué par mail ? Orphée. Merci. Ouais. Ouais, on avait des propositions de personnages, en fait. Ouais. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un de nous trois, Eric, Isabelle ou moi, qui jouions Ulysse. Oui. Sachant que, pour information, dans cet univers de jeu, Ulysse peut être une femme, hein, ça pose aucun souci. D'accord. Ulyssea, alors, plutôt. Ouais, ou tu peux l'appeler Odyssea aussi, comme tu veux. Ou tu peux l'appeler Ulysse, hein, après tout. Et ce serait sympa, en fait, qu'il y ait une autre personne qui joue Orphée. Donc Orphée, c'est un héros de la mythologie grecque qui veut retrouver sa femme Eurydice qui est aux enfers, en l'occurrence à l'île des morts. Pourquoi ce serait sympa d'avoir Orphée? Parce que du coup, c'est un personnage qui a quand même un gros intérêt à faire une escale à l'île des morts, quoi, tout bêtement. Et le troisième personnage? Voilà, c'est au choix. Ça peut être un simple marin, tout comme ça peut être aussi un héros de la mythologie grecque qui serait retrouvé là-dedans. Tout dépend si tu veux avoir un personnage qui a un petit peu de profondeur ou si tu préfères un personnage un peu simple. Ça dépend d'Isabelle, ce qu'elle veut jouer. Je veux bien partir sur Orphée, j'aime bien la dynamique avec Eurydice. Ok, pas mal. Alors, un personnage est défini par trois choses. Par sa quête. Donc, c'est une quête qui est forcément liée au voyage, hein, qui justifie la présence en fait, du personnage dans le bateau. À la limite, je pense qu'on va partir là-dessus. Toi, je suppose que ta quête, c'est retrouver Eurydice à l'île des morts, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, ça fait une quête par rapport au voyage principal. Tout à fait, ouais. Donc, nous deux. Eric, tu voulais faire Ulysse ou tu préfères faire quelqu'un d'autre? Non, mais je vais te laisser faire Ulysse parce que... Ça roule. Moi, je vais faire un marin, tu vois. Un pauvre péter moyen. Donc, toi aussi, tu vas avoir une quête. Et il faut que ta quête, elle soit liée d'une façon ou d'une autre à la quête, d'Orphée. Ça peut être, je vais aller à l'île des morts, moi aussi. Comment? Parce que moi aussi, j'ai quelqu'un à retrouver. Ça peut être, je veux empêcher Orphée d'aller à l'île des morts parce que c'est trop, il faut aussi, c'est un sacrilège que d'aller voir les morts. Ça peut être, je suis son fidèle serviteur, je veux l'aider dans ce qu'il entreprend, c'est à toi de voir, quoi. D'accord, mais il faut que ça ait un rapport avec l'île des morts. Avec la quête d'Orphée, quoi. Avec la quête d'Orphée. Donc ça peut être, par exemple, je veux aller, je veux retrouver Eurydice pour la retuer. Donc il peut être opposant au adjuvant, en fait. Ouais, exactement. C'est lui qui choisit du coup un peu son style, quoi. Vous mettez pas en quoi? Non, mais on va dire que je suis plutôt un servant d'Orphée et j'ai tellement d'admiration pour lui que je pense que il peut pas se passer de moi pour qu'il puisse aider Orphée. Ça, c'est fort possible. Donc, ta quête, c'est quoi? C'est aider Orphée à sauver Eurydice, hein? Tout à fait. Ok. Moi, en tant qu'Ulysse, je vais avoir une quête un petit peu parallèle. C'est que moi aussi, j'ai un proche dans l'île des morts, aux enfers. Il s'agit de Sisyphe. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe de Sisyphe, le titan qui pousse un rocher éternellement. Et en fait, Sisyphe, c'est le père d'Ulysse. Ah, d'accord. Ouais, enfin plus exactement, alors les choses... C'est vrai ça ou c'est... Hein, non, là. C'est vrai, hein. Enfin c'est vrai, c'est la vérité, hein. C'est vrai. Oui, c'est le mythe, effectivement. Et sachant que en fait, moi je déteste mon père. Pourquoi? Parce que... comment? Il a, entre guillemets, il a... Un rocher. Il a fertilisé ma femme, il a fertilisé ma mère contre son gré. Voilà, pour dire les choses poliment. Mais ce n'est pas légal. Voilà, exactement. Et donc, moi, si tu veux, j'ai prévu d'aller en enfer. Mettre de l'huile sur le chemin, c'est ça? je sais pas, c'est pas ce que j'ai prévu, mais grosso modo, ouais, en fait, je veux me venger de Sisyphe, donc c'est pour ça que je vais aller à l'île aux morts, quoi. Pour le retuer. Ouais, par exemple. Ouais. Le pauvre, il est déjà en train de pousser un rocher. Ouais, mais c'est pour un autre crime, donc moi j'estime qu'il a pas été puni pour le crime qu'il a fait envers ma mère, quoi. Voilà. Ok. Enfin, juste comme ça, ça vous dérange. Enfin, le thème est un peu lourd, même si j'ai prévu de le traiter vraiment de façon elliptique. Vous me dites hein, si ça vous dérange et je trouve autre chose. Non, pas du tout. Non, non, ça okay. va. Je suis en train de me demander si le cerveau est vénère contre son papa, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu as dit, Isabelle? Je me demandais si mon serviteur était l'amant de Rédis d'une façon ou d'une autre. Je me mets. Ah bah si tu veux, là, pas de soucis. Hein. Je trouve ça suspect que le serviteur va m'aider à récupérer ma femme. De toute façon, à la rigueur, toi, tu fais les opinions que tu veux. Ah, tout à fait. Ok, alors pour finir le personnage, et ça, c'est un truc qui va aider Thibaut. Il faut que vous définissiez deux symboles pour votre personnage. C'est des choses qui sont importantes dans son destin. Soit c'est des trucs qui vont le caractériser, soit ça désigne en fait un objet ou un animal ou quelque chose qu'il porte avec lui, ou c'est des choses qu'il va rencontrer sur le chemin. Enfin, c'est quelque chose qui est important dans sa vie. Donc, pour vous donner un exemple, je vais donner les symboles de mon personnage. Ulysse, là, en l'occurrence, vu comme ça va être la colère. La colère et puis la fuite. Hein. Donc, en fait, là, si tu veux, je donne un petit peu à Thibaut des... je lui donne des motifs un peu narratifs qu'il va utiliser, quoi. Donc, il sait que s'il veut intéresser mon personnage dans l'histoire et même m'intéresser moi, c'est bien s'il utilise des choses qui sont en rapport à la colère ou à la fuite. Ça peut être deux mots qui vont à l'encontre l'un de l'autre? Oui, bien sûr. Moi c'est bon, j'ai trouvé les miens. Bah on t'écoute. Déjà mon personnage s'appelle Ménélaos. Ok. C'est le dévouement et la traîtrise. Merci. Isabelle. Oui. Ça part bien tout ça. Alors pour Orphée, l'amour évidemment, mais après, je ne vois pas trop. Je pensais à l'art, si ça peut l'aider. Ouais. Mais c'est pas vraiment une qualité. Non, mais c'est les symboles, c'est des symboles. Donc tu vois, c'est pas forcément des qualités. C'est un truc, l'art, c'est un truc qui est important dans la vie d'Orphée, quoi. Par exemple, Thibaut, il va s'en servir peut-être que sur l'île des morts, il y a des magnifiques œuvres d'art. Peut-être que tu vas rencontrer des figurants qui sont eux-mêmes des artistes et ainsi de suite, quoi. Mm-hmm. Ouais, moi je verrais d'abord l'art, disons, comme son point fort et l'amour comme son point faible. Ok, très bien. On a nos personnages, c'est pas mal. Alors, on va camper un petit peu. Alors, je vais aller me déplacer jusqu'à l'île des Cyclopes dans le livre de base. Alors. Bon, t'as vu que le Cyclope, il n'avait pas forcément le même look. Que d'habitude. Thibaut, t'as vu ça? Oui, c'est pas exactement ce que j'ai repris dans les illustrations, mais bon, on va. Ah ouais, mais c'est pas grave. Après, ouais. Si tu veux, ce qui est mis dans le livre de base, tu peux le prendre comme une inspiration. Oui, c'est-à-dire c'est ça. Moi, je donne un look possible pour lui, quoi. D'accord. Du coup, après, toi, si t'as ton idée à toi, tu peux faire autrement. Oui, bien sûr. Ok, oui. Mais c'est vrai que ce qui est conseillé par le bouquin, c'est que tous les. Il y a les 6 thèmes de Millevaux hein, qui sont donnés dans le bouquin. Et en fait, c'est conseillé de relooker toutes les protagonistes et les antagonistes de l'Odyssée, les relooker quand même un minimum en fonction de l'univers. Quoi. Alors, je prends un autre exemple pour relooker. Donc là, c'est vrai que comme j'avais décrit Cyclope, c'était un espèce de monstre Lovecraftien, c'était un amas de doigts avec un seul œil énorme. Enfin, c'était vraiment un truc complètement dément, quoi. Mais on pourrait, là, parce que j'utilisais le thème des Orlas, les Orlas qui sont des monstres mutants et compagnie. Mais après tout, j'aurais pu utiliser un autre thème, comme par exemple les ruines. Ça pourrait être que l'île du Cyclope, c'est une île pleine de bateaux naufragés et de matériaux un peu, tu sais, technologiques, genre de l'Atlantide, mais tout foutu, et que le Cyclope, c'est une espèce de forgeron avec un tablier crasseux qui bricole des machines à partir de vestiges de l'ancien temps, quoi, par exemple. Donc là, tu vois, j'ai utilisé le thème ruine et ça relook l'antagoniste d'une façon très différente. Quoi. Il y a quoi déjà comme autre thème? Juste les noms que je me les note. Donc on a les ruines, on a la forêt, l'oubli, l'emprise, l'égrégore et les orlas. D'accord. Donc toi, tu t'es déjà fait une idée là, de un petit peu ton île du Cyclope ou c'était prévu d'improviser? Je pense que c'est à moitié improvisation. Disons que là, rien qu'avec les thèmes, j'ai déjà de quoi faire. Ok. Voilà. Éventuellement, ce qu'on peut peut-être faire, c'est faire une scène où on s'approche de l'île. D'accord. On a besoin d'accoster pour une raison X ou Y, peut-être simplement parce qu'il n'y a plus rien à bouffer, quoi. Et éventuellement, pour utiliser un truc de l'univers, est-ce qu'il y aurait un des personnages qui aurait envie de consulter un oracle pour avoir un petit peu des infos sur l'île? Est-ce qu'on peut le faire tout au long de la partie? Il faut trouver un oracle. Un oracle d'un dieu. Ah, quoi. D'accord. Alors, autant pour moi, parce qu'il y a les oracles et il y a les prêtres. Enfin, remarque, je les appelle un peu... attends, je vérifie comment... Oracle. Différent, c'est quoi? Oracle. Non, autant pour moi. Oracle, prêtre, ouais. Tac. En fait, il y a plusieurs façons de contacter les dieux. Tu peux trouver un oracle. Donc, oui. c'est quelqu'un qui est censé surtout prédire l'avenir, quoi. Un prêtre, c'est plutôt quelqu'un qui est dépositaire de la magie du dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il va te permettre, il va t'offrir des dons magiques. Et puis, un avatar d'un dieu, là, c'est carrément en fait un dieu qui est incarné dans le corps d'un homme, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, Thibaut, est-ce que tu serais d'accord pour qu'il y ait un oracle, un prêtre ou un avatar à proximité, soit directement dans le bateau, soit pas loin? Ouais, bien sûr. Ok. Tac. Donc du coup, est-ce qu'il y en a l'un de nous trois qui se dévouerait pour aller consulter, pour avoir des petites augures quand même au sujet de l'île qui s'approche? Je peux bien aller consulter. Est-ce que tu avais une idée, Thibaut, sur le type d'oracle, prêtre ou avatar qu'il y avait sur place? Ou est-ce que tu préfères demander à Orphée ce qui l'intéresserait en particulier? Comme en rapport avec le dieu de l'oracle, tu veux dire? Ouais. Ouais, non, ça je... On peut dire qu'il est directement sur l'île et donc en rapport avec Poséidon, je pense. Ok. Donc en fait, ça veut dire que on débarque sur l'île en espérant tomber sur un oracle avant de tomber sur les ennuis, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Super. Alors, du coup, on va se référer au dieu, vite fait. Donc... Poséidon. Est-ce qu'on sait sur Poséidon? Athéna, non. Alors, Poséidon. Bon, Poséidon, il faut savoir qu'il déteste Ulysse, hein, déjà. Voilà. C'est beaucoup plus rigolo. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il déteste Ulysse. La première, c'est qu'Ulysse, il aurait refusé de faire un sacrifice humain à Poséidon pour prendre le bateau quand il est parti pour Troie. L'autre raison, c'est que Poséidon refuse de mourir. Donc, il sait que si Ulysse rentre à Ithaque, hein, il va mourir comme tous les autres dieux. Et il est clairement, il a trop envie de vivre pour que ça arrive. Donc, Poséidon, c'est quand même l'ennemi d'Ulysse. Hein. Faut le savoir. Ouais. Ok. Et effectivement, le Cyclope, c'est son enfant. Hop. Donc, Poséidon, c'est le dieu de la mer. Hein. Ça, je vous apprends rien. Il est tremblement de terre. Super. tac. Alors. Ouais, voilà. Et donc, il faut savoir que si tu veux que ton bateau il prenne la mer, eh bien, il faut sacrifier une personne qui t'est chère à Poséidon. Sinon, le bateau, en fait, il peut pas démarrer, quoi. C'est comme ça, la technologie navale grecque, ça fonctionne plus. Donc déjà, ça veut dire que pour qu'on ait réussi à prendre la mer, il y a l'un d'entre nous qui a sacrifié en fait un être cher à Poséidon. Tout de suite comme ça, je vois assez bien qui c'est qu'on va sacrifier. Mais... Ouais, moi aussi. Vous voyez qui on a sacrifié en fait ? Qui on va sacrifier ? Ah mais non, mais en fait, du coup, on a déjà sacrifié quelqu'un pour partir de Troie. Ah, c'est bon, c'est... Ah d'accord, j'avais pas compris, j'avais compris c'est que... Un seul sacrifice pour tout. Maintenant, il faut le choisir. En fait, ouais, c'est-à-dire que dans l'idée, c'est quand ton bateau veut prendre la mer. Après, c'est pas à chaque île qu'il faut sacrifier quelqu'un, mais le problème, c'est que si ton bateau fait naufrage, qu'il est détruit, même si tu le reconstruis, si tu veux repartir, faut re-sacrifier quelqu'un. Ah oui, il n'y a pas d'assurance là-dessus. Non. Mais c'est vrai qu'on peut, par contre, Thibaut peut légitimement nous poser la question de qui est-ce qui, au départ de Troie, a sacrifié un être cher pour que le bateau parte ? Qui est-ce qui s'est dévoué pour faire ça, quoi ? Mm-hmm. Pas tous à la fois. Comme j'ai encore mon serviteur, à mon avis, c'est pas moi qui l'ai sacrifié. Non, mais t'as dit Thibaut, comme c'est toi le MJ, t'as qu'à décider. Ah non, mais je vous laisse choisir, c'est plus rigolo. Enfin, je peux inventer, je peux essayer de trouver, mais bon. Non, mais c'est Ulysse. Ulysse, c'est très bien, il va sacrifier. Ok, bon, bah... Ulysse ne meurt jamais, de toute façon. Ouais. En fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, Ulysse, je crois qu'il avait, un serviteur. Un grouillot, voilà, qui s'est sacrifié. Ouais, attends, il y a... Alors, justement, pour éviter les trucs humoristiques à inventer des... En fait, il y a une liste de noms à la fin du bouquin. Donc, je vais y trouver un... Alors, il a vraiment un serviteur dans la mythologie, mais j'avoue que je l'ai oublié. J'ai oublié comment il s'appelait. Donc, ouais, j'ai un serviteur qui s'appelle Brachion. Le bras, en fait. C'était le bras armé d'Ulysse. Donc, c'était mon garde du corps, tout ça. Et donc, effectivement, là, en fait, Thibaut, tu peux... c'est vrai qu'on peut se contenter de dire, bon, bah voilà, Ulysse, il a sacrifié Brachion. Oui. Mais Thibaut, tu dois ne pas t'en contenter. Oui. Donc, à ton avis, qu'est-ce que tu ferais quand je te dis, ouais, bah c'est bon, j'ai sacrifié Brachion, voilà quoi, fin d'histoire. Bien, si on était au début, je te ferais une description de... Pendant un petit moment sur la peine que tu ressens, la tristesse et puis la douleur de l'avoir laissé alors que tes amis à côté, eux, continuent à être là et à te faire culpabiliser longtemps, très longtemps. Moi, je l'aimais bien, Brachion. C'était son bras droit, en plus. Alors ça c'est une façon de le faire, c'est-à-dire ouais. Qu'on fait on prend un moment d'introspection et on revient sur ce qui s'est passé. L'autre moment de le faire qui est plus dans ce qui est conseillé par le jeu, c'est de carrément jouer un flashback, c'est-à-dire qu'on rejoue la scène où Ulysse sacrifie Brachion. D'accord. Est-ce que tu te sens de le faire ? Ouais, ok. Donc on est en train de partir de Troie. Oui. Qui est, comme tu peux, je te laisse peut-être nous décrire l'état de la ville à ce moment-là. Ça. Vous repartez donc de Troyes. La ville est totalement en ruine. Vous voyez des nuages de fumée qui s'élèvent au-dessus de la ville. Également, l'odeur des chairs carbonisées qui arrive jusqu'à vous. Vous arrivez enfin au bateau avec l'espoir de repartir vers votre pays. Mais Poséidon ne vous laisse pas partir. En effet, vous êtes obligé de sacrifier quelqu'un pour que votre bateau puisse reprendre la mer. Après quelques temps de réflexion, c'est finalement le bras droit d'Ulysse qui se dévoue, qui se tourne vers toi, donc Thomas, qui te demande de l'utiliser. Au début, tu es assez réticent, mais il se trouve que tes compagnons ont très envie de partir et n'ont pas envie de servir d'offrande. Ah oui, je pousse un peu, excuse-moi. Oui, c'est-à-dire que dans ce jeu, vraiment, tu dois laisser le joueur jouer son personnage. Ouais. Donc, et c'est pas parce que c'est un flashback, mais c'est quand même un moment de jeu. Donc là, du coup, je joue l'action d'Ulysse face à Braque. En fait, voilà. Ma question juste, c'est si ça c'est, enfin, là, c'est parce que ça s'est déjà passé, mais est-ce que je te relaisse le choix, en fait, c'est plutôt ça la question. Ouais, tu me relaisses le choix. Alors après, il y a deux façons de le faire. C'est que si je refuse de tuer Brachion, finalement, on rechange le passé. C'est peut-être qu'on a tué quelqu'un d'autre, tu vois. D'accord, ouais. Ou alors, tu peux effectivement... généralement, quand on joue un flashback comme ça, le joueur considère que bon, on a établi que Brachion allait mourir. Et donc, ça, on le garde. Mais il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas établies, quoi. D'accord. Moi, ce que je dis à Brachion, je considère que vous êtes tous là. Oui, je pense. J'ai déjà dupé Poséidon une fois. Je suis sûr qu'on peut le duper une seconde fois. Enfin, quand j'ai dû partir d'Ithaque, j'ai pas fait de sacrifice. Et ça s'est bien passé. On peut à nouveau. Enfin, moi, je ris au visage des dieux. On peut à nouveau faire l'impasse. Mais les dieux te le feront payer de toute façon. Je crois que tu n'as pas le choix cette fois-ci, Ulysse. Et mon principal objectif est que tu rentres à Ithaque pour reprendre le pouvoir. Et te dit-il en te tendant son arme pour que tu puisses procéder au sacrifice. Ok. Alors là, il y a deux... comment ? Moi, je te propose une chose. C'est qu'en fait, là, on est en train de jouer ce qu'on appelle un prix à payer. C'est que moi, si tu veux, je peux jouer Ulysse en disant, enfin là je leur fais ouais non, c'est bon, oui. Comment on va duper les dieux, je sais ce qu'on va faire, on va déguiser une chèvre en humain et puis on va sacrifier une chèvre et puis comme ça Poséidon sera bien dupé. Là, en fait, il faut que tu me il faut que tu rendes les choses plus sévères. Ouais. En demandant un prix à payer, c'est par exemple si vous dupez Poséidon, eh bien il y aura tu annonces telle catastrophe, quoi, un truc vraiment précis, quoi, voire même tu peux ou alors c'est soit un truc précis qui arrivera plus tard mais qui arrivera forcément et auquel il faudra que tu te tiennes, soit un truc immédiat. C'est mieux quand tu peux, hein, mais là dans ces cas-là, ça peut être par exemple non, cette fois-ci, vous voyez bien que la chèvre, ça marche pas, quoi. Oui. Ben, enfin, là, dans le cas présent, je pense que c'est à peu près la seule possibilité, non ? Je vois pas trop d'autres alternatives sur ce cas-là. Ok, donc ça veut dire que là, par exemple, j'essaye de... Tu sais, je mets une armure de soldat grec à une chèvre, je l'égorge, et en fait, il se passe rien, le bateau Barta, c'est ça que tu veux dire, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Ok, alors je... Je crois que le subterfuge n'a pas marché. Ouais, je crache dans la mer. Non, vieille semelle, j'aurais ta faim. Et Bracor continue à te tirer le bras. Ulysse, je suis là. Moi, je me tourne vers Orphée. Ouais. Oui. Et je lui dis, je sais pas si je t'appelle maître ou pas, c'est la question que je me pose. Orphée, il faut que tu arrives à convaincre Ulysse de tuer... Tuer Brachion. De tuer Brachion. Il faut partir, sinon nous n'arriverons jamais à temps pour sauver ta belle. Moi, je dis à Orphée, comment tu es mon invité à bord de ce bateau. Sans moi, tu ne t'aurais pas pu partir de Troie. Tu n'as qu'à sacrifier... tu n'as qu'à sacrifier Ménéalos. Mais non, mon serviteur m'a toujours été fidèle et sans lui, je n'arriverais pas à sauver Eurydice. Mais je peux en dire autant de Bracken. Oui, mais je le connais moi, ça ne touche pas. Alors là, en fait, ce que je fais, c'est que j'en profite pour tester le, conflit, ouais, le conflit à plusieurs. C'est-à-dire que là, si tu veux, il y a un désaccord entre nous, puisque moi, je veux qu'on sacrifie Ménéalos, et puis toi, Orphée, tu veux qu'on sacrifie Brachion, quoi. C'est vrai que ça m'arrangerait, oui. Voilà. Et donc, en fait, pour trancher les désaccords, ça fonctionne assez simplement, ça fonctionne par vote. D'accord. C'est-à-dire que qui vote pour qu'on tue Brachion? Moi. Moi aussi. Moi aussi. Ok. Alors, après, toi, t'es maître du jeu, c'est lui. Ouais, tu ne peux pas voter. Moi, je vote pour qu'on tue Ménéalos, mais bon, forcément, forcément ça, ça n'avance à rien. Alors, il y a plein d'autres personnes dans l'équipage, mais si tu veux, les figurants, oui. Ils ne peuvent pas voter non plus. Quoi. Bien sûr. Enfin, ils peuvent exprimer leur opinion si on veut, quoi, mais on considère que c'est les. Il n'y a que les héros de la légende dont la voix porte vraiment. Quoi. D'accord. Donc, vu la pression qu'il y a sur moi et tout, je me dirige vers Brachos, Brachion. Je fais à mon fidèle serviteur. Sache que je vengerai ta mort. Je tuerai le prochain oracle de Poséidon que je verrai. C'est bon. Et donc, voilà, comment je lui fais une fière accolade guerrière, quoi. Et puis, je lui tranche la gorge et on jette son corps à la mer, quoi. Et comme et ça, le bateau a pu partir. Alors, pour information, on aurait pu acheter des pouvoirs, en fait, qui nous permettaient d'avoir des voix supplémentaires dans les votes. Pour acheter un pouvoir, il suffit de faire... quelque chose qui nous éloigne de notre quête. Ou en tout cas qui nous porte un gros préjudice et comme ça on achète un pouvoir. Faudra qu'on essaye de. Faudra qu'on fasse un test de ça. Alors, tu veux un biberon? Ouais, c'est Brachion qu'on entend, non? Ouais, c'est Brachion, il agonise. Oh, il agonise. Oh, Ulysse, je suis mort pour toi. Me revoilà, désolé. Ouais, j'aimerais bien. Je suis désolé, je retarde un petit peu l'arrivée sur l'île. Mais c'est vrai que je pensais au truc de pouvoir. Ouais, remarque, à la limite, on verra ça auprès de l'oracle. Pourquoi pas. Ok. L'idée, c'est qu'on peut, on peut acheter un pouvoir en faisant un truc qui est négatif pour notre personnage, quoi. Et le pouvoir, ça nous permet d'acheter plus tard un vote ou d'obtenir quelque chose sans en payer le prix, quoi. Par exemple, si Ulysse, il avait eu un pouvoir en réserve, il aurait pu faire démarrer le bateau sans tuer un être cher. Mais justement, tuer un être cher, est-ce que c'est pas déjà quelque chose qui octroie un pouvoir? Alors, d'ordinaire, ça octroierait un pouvoir. Sauf que là, oui. Si tu veux, Là, ça marche pas parce que c'était dans le cadre d'une transaction d'un prix à payer. D'accord. Donc c'était pas gratuit. Ouais, voilà. C'est-à-dire que tu tues un être cher, ça te permet d'obtenir un pouvoir ou ça te permet d'obtenir un effet magique comme par exemple faire marcher le bateau. À la rigueur, ouais. Je me dis, bah tiens, justement, je suis sur le bateau, on s'apprête à accoster sur l'île et je vous dis à tous. Bon, écoutez, mes frères et sœurs. Bon, ça peut très bien y avoir des femmes dans le bateau, hein, c'est pas la vraie Odyssée, hein, donc. On emmène tout le temps quelques vierges au cas où le bateau tombe en panne. Non, mais je veux dire c'est autorisé, ce qui est carrément des marins femmes. Oui, effectivement, pour le cas où le bateau est en panne. En plus, faut imaginer que c'est plutôt un bateau de réfugiés qu'un bateau de marins, quoi, parce que. Les Grecs, ils ont fait la guerre pendant 10 ans, donc on peut très fort imaginer qu'il n'y avait pas que des hommes. Hein. Ils avaient des concubines, ils avaient des enfants et tout, donc dans le bateau, il y a des femmes et des enfants aussi. Hein. Et puis, il peut très bien y avoir des femmes marins, des femmes guerrières, c'est pas un problème. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Donc je dis, ouais, mes frères, là, on va arriver sur une île, je sais pas, je la sens pas trop. J'assemble pas trop, je pense que des dangers nous attendent. On est obligé d'accoster parce qu'on n'a plus rien à manger, donc il faut qu'on fasse des provisions. En plus, la pêche est mauvaise ces derniers temps. Moi, faites ce que vous voulez, mais je pense qu'on aurait besoin d'accumuler du pouvoir. Donc, si certains d'entre vous seraient prêts à sacrifier des êtres chers ou faire autre action particulièrement néfaste pour eux, je pense que ça leur donnerait du pouvoir et donc, dans des situations délicates, ça pourrait être fort utile. Oui. On est d'accord que pour le moment, moi, là, c'est juste au niveau des joueurs que ça se fait, pour le moment. Tu veux dire que là j'ai pas enfin là j'ai rien j'ai pas grand chose à dire pour le moment tant que vous n'avez pas décidé la fin de la préparation avant d'arriver sur ouais tout à fait ouais. D'accord okay. Sachant qu'on pourrait être fourbe en fait là c'est une utilisation un peu par ricochet du pouvoir mais ça pourrait être de dire tu pourrais forcer un figurant à tuer un être cher. Et en fait, c'est toi qui gagnerais le pouvoir dans le sens où t'as fait un truc négatif pour ton personnage parce que ça fait vraiment passer pour un salaud, quoi, tu vois, de pousser quelqu'un à sacrifier pour gagner un pouvoir, quoi. Mais effectivement, là, pour moi, c'est plutôt un truc de joueur, quoi. Pardon, Orphée ? Est-ce qu'on perd des points de morale à force de sacrifier du monde ? Non, c'est juste que après, c'est ta réputation, hein, forcément, qui est. D'accord. Bon, un coup, hein, je te rappelle que ça sera écrit dans ta légende. C'est vrai, oui. Ouais, je suis pas spécialement motivé pour sacrifier, là. Ça va pour le moment. C'est pas forcément des sacrifices humains pour gagner des pouvoirs, c'est toute chose qui serait négative pour le personnage et notamment qui mettrait en péril sa quête, quoi. Du souvenir. On va faire un trou dans la coque. Ah bah là, c'est sûr que si tu fais ça, tu gagnes un pouvoir. Bon, la partie est finie, mais... Je te conseille de faire enquête immédiate des autres, hein, parce que si on te voit faire un savoir de la coque, ouais, effectivement. Ouais. Mais tu peux faire ça, hein. Non, là, je réfléchis. Non, à part couper un marin en deux, je pas grand-chose. Et toi, Ménéalos, t'as de l'inspiration Non. Là, je vois pas. Alors, sachant que il y a une liste, Thibaut, ouais. Toi, si tu veux donner des idées, mm-hmm. t'as quand même la liste des prix à payer. Alors, prix à payer, tu vois, alors, l'aide de jeu ultime pour Odyssea, c'est les tables qui sont à la fin. D'accord, je vais essayer de regarder. Tu as les prix à payer, révélation d'un point faible, conséquences graves, obligation, handicap, transformation ou sacrifice. Et ça, c'est le genre de choses que tu peux faire aussi pour gagner un pouvoir, quoi. D'accord. Si vous n'avez pas d'idée, je fais ouais, ok, de toute façon, je vois que vous êtes tous des chiffres molles. Moi, j'ai dû sacrifier Bracken et personne ne m'a remercié. Là, je vous demande de faire un geste et je vois qu'effectivement, personne pense collectif, il n'y a que moi. Bon, voilà, bel esprit. Et donc, en fait, une fois qu'on aura tous accosté, je reviendrai vers le navire en catimini et je le saborde. Et comme ça, je gagne un pouvoir. D'accord. Et puis, je me dis, bah, effectivement, il faudra resacrifier quelqu'un pour repartir. Mais bon, moi, c'est bon, j'ai sacrifié Bracken, ce sera à quelqu'un d'autre de le faire, quoi. D'accord. Juste, j'ai la liste des prix à payer, là. Ouais. Donc, on a révélation d'un point faible, conséquences graves, obligation. Je pense que celui-là, il peut être pas mal utilisé. Handicap, ouais. Handicap, transformation et sacrifice. Là, un peu, ce que j'ai fait, c'est un sacrifice ou une conséquence grave. Hein, c'est l'un ou l'autre, mais tu vois, s'aborder le bateau, c'est quand même vraiment un truc bien, oui, bien hardcore, quoi. Ok, ouais. Donc du coup, on peut aller voir ton oracle, mon cher Thibaut. D'accord. Donc, vous descendez donc du bateau. Vous voyez que, que l'île est recouverte d'une végétation assez dense, mais tant que vous ne vous enfoncez pas vraiment dans l'île, vous ne pourrez pas voir ce qu'il en est. Donc là, vous êtes juste au niveau d'une plage et vous avez remarqué une sorte de maison qui semblerait être abritée une sorte de petit temple, en fait, de chapelle dédiée à Poséidon. Et dès que vous en approchez, vous voyez que la porte s'ouvre et vous entendez un boucan monstrueux qui s'en échappe. Que quelqu'un qui a l'air de crier, de taper sur les murs, ça vous met pas trop en confiance. Ah, de toute façon, les arêtes de Poséidon sont tous fous, c'est bien connu. Vous voyez que Ulysse également n'a pas l'air d'être extrêmement joyeux à l'idée d'y aller, mais il semblerait que vous n'ayez pas trop de choix. Sois prudent, Orphée. Ouais, Ulysse, si c'est pour buter l'oracle, attends qu'il nous ait donné une révélation. Ouais, on a toujours le choix, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller... Oui, c'est pas obligé d'aller voir cet oracle. Hein. Après tout, on peut se lancer dans l'île sans augure. Hein. Vous pouvez aller sur l'île sans aucune idée de ce qui vous y attend. Hein. Je pose pas de problème. Ah, parce que Thibaut, juste comme ça, je fais un rappel. Oui. Le principe de Odyssée, c'est que justement, on a toujours le choix. En fait, c'est juste oui, que bien évidemment. Voilà, c'est plus risqué. Enfin, c'est un choix du type de risque qu'on prend. Ouais. Ok. Donc. Mais alors c'est pareil, hein, des fois tu peux durcir la chose. Si tu vois par exemple que les joueuses commencent à douter de la pertinence d'aller voir l'oracle, tu peux annoncer un prépayé en disant bah, si vous ne voyez pas l'oracle, donc si vous privez d'une augure, eh bien vous serez capturé par vous aventurez dans l'île sans précaution et vous serez capturé par le cyclope. Tu vois. D'accord. Ok. Annoncer un prépayé quoi. Okay. Ouais, moi, je reste motivé pour aller voir l'oracle. Ok. D'accord. Donc, Orphée accompagné de quelqu'un, éventuellement. Oui. Moi, j'y vais avec lui. Moi, j'y vais aussi, parce que j'ai envie de quand même voir à quelle tête a la personne que j'ai prévu de tuer. Comment ça? Ah non, mais ça, je veux pas aller le voir, et maintenant, tu viens avec nous? Non, mais j'ai besoin de protection. Ouais, c'est cela. Oui. Moi, je suis votre frère d'armes. Donc, vous avancez vers la maison, pas très en confiance. Vous avez l'impression que les murs en bois tremblent un peu plus à chaque fois que vous avancez. Et vous entrez enfin dans le temple. Ça, une forte odeur de renfermé vous prend directement. Et il y a juste une fenêtre qui laisse passer de la lumière et entrevoir un prêtre de Poséidon, vous reconnaissez à son habit, qui porte une barbe en broussaille et qui, avec un bâton, semble taper sur tous les murs en criant. Et à l'instant où il vous entend, il se fige et vous fixe. Qui êtes-vous ? Il vous fixe avec des petits yeux comme si il n'avait pas vu d'humain depuis une centaine d'années au moins. Je pousse du coup Orphée. Bonjour l'oracle, comment ça va? Oui, salutations, mais qui êtes-vous, si cela n'est pas indiscret? Nous sommes des voyageurs, nous voudrions avoir quelques informations. Ah, des voyageurs, oui. Oui, oui, en effet. Mais... Oui, soit. Que puis-je pour vous? Vous voulez demander quelque chose à Poséidon? Oui. Alors, j'aimerais savoir... Oui, j'ai juste une question avant qu'on commence. Thomas, je donne un prix avant qu'il me demande ce qu'ils veulent savoir ou après? Comme tu veux. Ok, bon, on verra après dans ce cas-là. Oui. Oui, j'aimerais savoir quel est le point faible du cyclope. Quel cyclope? Vous êtes au courant qu'il y a un cyclope sur l'île d'ailleurs? Voilà, oui. Bah, elle s'appelle l'île du cyclope. c'est pas stupide, d'accord. C'est écrit sur la map. Ouais, c'est pas stupide du tout, ça va. Oui, très bien. Le point faible du cyclope, mais pourquoi vous lui voulez donc du mal? Ah non, justement, c'est juste pour se renseigner. Ah, bien évidemment. Il s'avance encore un peu vers vous et vous constatez qu'en fait le prêtre n'a pas d'yeux en fait. Il a deux orbites vides qui semblent vous fixer. C'est clair que ça, il ne nous reconnaîtra pas. Exactement, ce qui voudra peut-être mieux pour vous. Oui, oui, mais dans ce cas-là, quels sont vos noms? et je vous révélerai quel est le point faible de celui que vous cherchez. Moi, je m'appelle personne. Ouais. Donc là, si j'ai bien compris le type du jeu, c'est le moment où je te mets des bâtons dans les roues. Dis-moi que tu penses. Ouais. Non, parce que soit je te laisse faire. D'ailleurs, je te laisse utiliser l'idée du bouquin. Soit le prêtre constate que c'est pas bon, en fait. Et la question, c'est dans quelle mesure je dois te mettre des bâtons dans les roues, te laisser faire, ah, de oui, façon oui, générale. Bah, en fait, tu mets des bâtons dans les roues à chaque fois que tu penses que c'est utile. Donc, d'accord. Si par exemple, tu as prévu que le prêtre puisse nous dénoncer à Cyclope, tu peux dire « je suis désolé, mais je vous donnerai aucune information si vous ne donnez pas vos vrais noms, quoi. » D'accord. Et d'accord, donc oui, voilà, il s'approche. T'es pas obligé de demander des prix à payer toutes les 5 minutes, mais tu en demandes quand tu penses que effectivement ce serait bien de mettre un peu de résistance. Ouais. D'accord. Il continue à s'avancer. Je ne donnerai aucune information à des gens qui n'osent pas assumer ce qu'ils sont. Qui êtes-vous? Bon, de toute façon, moi, je ricane, sachant que j'ai prévu de te tuer juste après. Donc, je dis oui. Écoute, je m'appelle Ulysse. Moi, je suis Orphée. Bien. Mais Anéalos, tu restes quoi? Tu viens de le dénoncer. Je me présente moi aussi. Non, moi, je suis un serviteur, si j'ai pas l'habitude. Ménéalos, serviteur d'Orphée. Bien. Soit vous avez payé de vos noms, je paierai donc de la faiblesse de celui que je protège. Le point faible du cyclope est évidemment son œil, mais comme vous deviez vous en douter. Mais pourquoi êtes-vous sur cette île? Pour voyager. Pour trouver de la nourriture en abondance. Sais-tu si le cyclope est comestible? Oh, c'est bien. Uniquement l'œil. Il recule de 3 pas. Comment ça? Et comment pouvez-vous insinuer quelque chose de... je vais y arriver. Une chose pareille, voyons. Ulysse plaisantait. Ah, bien sûr. Il a un petit peu trop bu aujourd'hui. C'est Poséidon qui nous a poussé jusqu'à cette île. Ah, bien sûr, bien sûr. Un humour que j'affectionne particulièrement. Il va de soi. Bien, et ben si je ne peux pas vous être plus utile, à moins que vous vouliez faire une offrance au Dieu Tout-Puissant des Profondeurs, peut-être. Là, j'ai rien sur moi là personnellement. Ménéalos, à toi. Bah t'inquiète pas, les dieux. Quand il s'agit de faire une offrande, les dieux trouveront toujours un truc à te demander. Vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, mais je suis sûr que. Bah qu'est-ce que ça rapporterait? Qu'on pourrait faire. Soit, eh bien, les dieux pourraient vous accorder une faveur, ou alors oublier quelque temps leur fourreau. Ce serait bien de. On peut lui laisser une bière. Ouais, ce serait bien d'avoir, par exemple, de savoir comment payer Charon le. Ah oui, c'est vrai ça. Celui qui a la barque des morts pour. Si on veut voir, si on peut pouvoir traverser le effectivement le Styx. Mais c'est pas uniquement en pièces d'or. Ouais, mais tu sais, par les temps qui courent, bon, déjà on n'a pas de pièces d'or, et puis par les temps qui courent, peut-être qu'il y a d'autres monnaies d'échange. Bien sûr. Eh bien, si vous voulez. Une faveur des dieux fera très largement l'affaire lorsque vous serez en face de lui. Si cela vous convient, il y a bien évidemment d'autres alternatives. À part une chèvre, on ne peut pas laisser grand chose. Après, vous n'êtes pas obligé de vous en inquiéter. Enfin. Vous êtes obligé de vous inquiéter déjà de ça maintenant. Voilà. Là, vous êtes déjà parti pour peut-être explorer l'île, chercher de quoi manger. Bon. Moi, je suis pressé de tuer l'oracle, donc je veux qu'on fasse ça tout de suite. comment? Non, mais vas-y, oracle, dis-nous ton prix. Qu'est-ce qu'on doit offrir à Poséidon pour avoir une obole pour Charon? Un souvenir pourrait me sembler pertinent, par exemple, le souvenir de votre. Le souvenir de lorsque vous avez appris à naviguer. Alors, est-ce qu'il faut que je te le raconte ou est-ce qu'on va le perdre ? Comment ? Voilà, j'ai un bébé sur l'autre canal, c'est un peu compliqué. Je vais parler en même temps. Qu'est-ce que tu disais, Orphée ? Je disais, vaut mieux que ce ne soit pas le capitaine qui filtre au souvenir de navigation. Effectivement, ça se tient. Si tu. En fait, si tu donnes ton souvenir, ça t'accorde une faveur. Ouais, oui, voilà, ça l'efface. Ça t'accorde une faveur. Donc, lorsque tu pourrais l'utiliser pour Charon ou pour autre chose. Mais, ouais. Mais ça effacera le souvenir. Ouais, ouais Orphée, donne un souvenir. Moi, j'ai déjà sacrifié Brachion. C'est bon. Et accessoirement, t'as déjà une faveur. Et donc, je dis un souvenir de la maîtrise de la navigation. Oui, voilà. C'est tes premiers souvenirs sur un bateau, en fait. Oui, c'est ça. J'allais à la pêche avec mon père le dimanche. Voilà. Alors, ouais. Là, si tu me permets, Thibaut, il y a deux façons de faire. Soit tu considères qu'en fait, là, la personne, elle a légué une information sur son personnage. Ouais, voilà, c'était un bon souvenir de la négation avec son père. Soit tu rends les choses nettement plus douloureuses. Oui. Par exemple, peut-être qu'en donnant son souvenir, elle a carrément fait le souvenir de son père. Quoi. Oui, aussi, ouais. Ouais, peut-être. C'est. Là, ça, oui, on peut le faire comme ça. Ouais. Et bon, moi, on va y aller plus doucement. Non, je pense qu'on va y aller plus doucement. On va juste commencer par le premier rapport à l'enfance. Et pour le faire, on verra plus tard peut-être. Ok. Bah, dans ces cas-là, il faut quand même donner une importance au truc. Oui. C'est-à-dire jouer un petit peu la scène qu'elle va oublier. D'accord. Même, on t'a décidé que t'étais un gentil MJ pour le moment, donc tu vas pas être trop méchant. Mais quand même, prends deux minutes avec Orphée là pour revivre ce souvenir en flashback. D'accord, ça marche. Donc, ouais. Orphée, donc tu commences à raconter ton souvenir au prêtre. Je te laisse faire le début et j'essaierai de meubler après si ça te va. Donc j'allais à la pêche. Si tu veux que je m'en occupe, c'est toi qui vois. C'est du présent. Hein. Raconte au présent, Orphée, parce que c'est un flash. Si tu revis le truc en fait en même temps que tu le racontes. D'accord. Donc ce jour-là, j'ai environ 6 ans. C'est une belle journée, un beau dimanche. Et mon père me dit, Orphée, je vais t'apprendre quelque chose. Il m'emmène vers les rives sur une toute petite embarcation et il décide de m'apprendre à pêcher. On voit les truites argentées au long du cours. Et soudain, une vague, un peu plus forte que les autres, fait chavirer l'embarcation, et je tombe à l'eau. Donc mon père me ramène vers la rive, et me sauve des eaux. Voilà. Qu'est-ce que tu ajouterais, Thibaut ? Il n'est pas facile, ton jeu, tu sais. Bah, de quoi tu aurais besoin ? Donc là, on a. Je sais pas. Si, je peux te donner un indice. Ouais, je veux bien. Quand justement tu sais pas comment jouer une scène, ouais. tu te retournes vers le Deus Ex Machina. Ouais. Donc il y a un ensemble de conseils de mise en scène. Mm-hmm. Jouer le destin du personnage. Ça peut être, faire un rappel vers le destin d'Orphée. Ça peut être style. C'est peut-être à ce moment-là que tu as rencontré Eurydice pour la première fois, en même temps, quoi. Mmh. Parce que c'est la petite gamine qui a aidé à soigner Orphée, sauver des eaux. Soit tu peux jouer les émotions, c'est-à-dire tu décris les émotions du père quand il sauve son fils. Soit l'univers, par exemple, en fait, le père sauve le fils, au moment où un Orla allait sortir des eaux et puis dévorer Orphée, quoi. Soit tu fais, alors sinon il y a quoi? Il y a les symboles, tu peux utiliser les symboles d'Orphée qui sont l'amour et, c'est quoi ton deuxième symbole Orphée? L'amour et l'art. Par exemple, en disant comment le père d'Orphée lui fait dessiner une fresque sur le sable pour commémorer cette aventure. Tu vois. Donc ça, c'est des choses. Donc ça donne des billes de mise en scène. Ouais. Et pourquoi en fait, pourquoi s'emmerder à faire de la mise en scène? Parce que on veut charger l'événement en émotion. Et ça veut dire que derrière toi, ça va t'apporter du matériel pour plus tard. Notamment peut-être est-ce que dans les enfers, on rencontrerait pas aussi le père d'Orphée, quoi. D'accord. Donc. Il s'appelle Éagre. Comment? Il s'appelle Éagre. Éagre, ok. Putain, ils avaient des noms trop swag dans l'Antiquité. N'est-ce pas? D'accord. Donc, tu partirais sur quel j'ai pas fait tout le Deus Ex Machina, mais paraissait un peu moins. Là, il y a déjà deux trois choses. Ouais. Donc, je pense qu'on peut commencer sur avec l'idée de l'art comme objet de commémoration. Okay. Donc, avec la ton père t'a ramené. Et c'est sur la plage, en fait, tu as commencé à dessiner, mais pendant 3 jours, en dessinant tout ce que tu avais vu dans la mer, en fait. Oui. Et donc tout ce que tu avais pu voir également, le moment où tu t'étais vu mourir. D'accord. Donc ce qui a donné une gigantesque fresque sur laquelle on voit un chemin qui évoquerait presque le voyage vers le royaume des morts. C'est pour ça que tu as appris à naviguer sur l'eau pour ne plus jamais risquer de tomber et de te noyer. D'accord. Si ça te va. Ouais. Alors là, si tu me permets, Thibaut, ça me donne plusieurs idées de renforcement. Bien sûr. Tu peux tout d'un coup décider d'être un peu plus méchant. D'accord. En disant, en fait, si tu lui donnes ce souvenir, tu seras incapable de piloter un bateau toi-même, donc tu devras toujours finalement t'en remettre à d'autres marins. C'était l'idée de départ, oui. Ok, pas mal. Et tu peux aussi jouer sur la corde sensible en faisant un effet de mise en scène que je te propose. C'est que... L'oracle peut apparaître, tu vois, dans le souvenir, on mélange, ça s'appelle du vertige logique, on mélange le passé et le présent. L'oracle peut apparaître sur la plage dans le souvenir alors que Orphée, t'es en train de finir ta fresque. Oui. Et tu vois, il y a peut-être genre la marée en fait qui commence à vouloir ensevelir la fresque. Et puis l'oracle te dit, vas-y, donne-moi ce souvenir et puis en fait, c'est matérialisé par le fait que l'eau est en train de bouffer la fresque, et puis je te donnerai l'obol de charron. Comme ça, on rend le truc un peu plus sentimental, quoi. Mmh. D'accord. Et donc, du coup, t'es appelé à renouveler, en fait, ton engagement. Est-ce qu'effectivement, tu vas bien lui donner ce souvenir-là, quoi? D'accord. Donc, tu te souviens de ce moment-là où tu avais rencontré le prêtre une première fois. Ouais. Voilà. Oui, donc je confirme, je vais laisser partir le souvenir de mon père qui m'a emmené pour la première fois sur un bateau. Ok. Ah tiens, ça c'est marrant, quand ce que j'appelle le vertige logique, moi c'est juste un point de mise en scène, mais c'est que le prêtre n'était pas forcément là à ce moment-là, mais c'est le présent et le passé qui superposent. Mais toi, tu donnes une autre explication qui est tout à fait sympa aussi. D'accord. Donc tu gagnes un pouvoir pour plus précisément pour l'île des morts. Ouais, c'est l'obal de charron, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ça se présente sous quel forme? C'est un artefact. Oui, on peut dire son deux pièces qui ont la forme des yeux qui lui manquent actuellement, qu'il te remet. Ah, peut-être qu'il est il sort, sort de ses orbites. Comme ça, il te garde à l'œil. C'est horrible. Enfin, okay. Voilà. Pas mal. Donc voilà, donc celui-ci a l'air, lui a l'air assez satisfait, ne semble plus vraiment s'occuper du lys ou. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors que bon, ça pouvait. Au début, tu avais quand même pas mal capté son attention. Et donc ouais. Là, il semble assez apaisé. Il lâche son bâton par terre et il repart s'asseoir juste dans le faisceau de lumière que projette la fenêtre que je vous avais décrit au début. Il a et moi, je calmé, apaisé, ouais. Ouais. Je dis, ouais, tu parles. Et en fait, il est en train de se. Moi, je vous dis en murmurant, ouais, il est en train de se droguer avec ton souvenir. Regarde son visage. Il t'a volé ton enfance, que salaud. Et je vous fais. Mais allez donc chercher du gibier. J'ai une petite chose à demander en privé à l'oracle. Viens, Ménélaos, allons chercher le gibier. Allons poser des collets. Du coup, vous me laissez avec l'oracle. Oui, on va gambader et chanter avec les oiseaux. Ouais, ça roule. Je sens qu'il peut se passer quelque chose de négatif ici. Mais non. Tout va bien, tout le monde est apaisé. Je préfère partir moi aussi. Ouais. Et donc moi, je commence à faire tomber les gamelles qui sont dans son temple, tout ça. Je fais vieille crevure et tout. Voleur de souvenirs, harpie, je vais te faire rendre gorge, et donc là je sors mon épée quoi. Et lui il ne semble toujours pas te remarquer, il semble être perdu en fait. Ok, donc là il y a deux, t'as deux choix en fait, soit effectivement tu restes sur le fait que tu vas me laisser tuer quelqu'un qui est innocent, ouais. Qui est innocent ou en tout cas pas en état de se défendre, donc ouais. Tu me forces finalement à me positionner moralement quoi, c'est-à-dire que tu fais un peu de mon personnage un salaud quoi. Ou alors tu peux être toujours dans la logique de prix à payer en disant que en fait pour réussir à tuer l'oracle il faut sacrifier tel truc, ça c'est à toi de voir. Par exemple, c'est peut-être une transformation, genre si tu tues un oracle de Poséidon, ton corps se couvre d'écailles. Non, moi je pense, enfin, dans l'idée, je pensais partir sur un truc plus esthétique. C'est à la limite le. Lorsque. Si tu les tues, en fait, chaque navire sur lequel tu passeras, en fait, teinteront la mer d'une couleur rouge sang. Comme si ton bateau saignait du sang du prêtre à chaque fois que tu voyageais. Ok. Voilà, ce qui te donne une réputation assez, assez crade. Voilà. Donc voilà, donc c'est toi qui choisis, ouais, même si je pense que le choix est tout fait déjà. Ouais. Moi en fait, j'attrape le prêtre. Je plaque mon glaive sur la gorge et je regarde à mes côtés, je vois Brachion. Je le fais pour toi. Et la claque, j'égorge le prêtre comme un mouton, quoi. Et le sang commence à couler de ta dague et à dégouliner le long de tes vêtements et arriver jusqu'à tes pieds. Et okay. dans un dernier souffle, le prêtre te fait « J'ai vu l'avenir. Vous ne sortirez pas indemne de ce voyage. » Et il s'écroule par terre. Ok. Très bien. Et tu vois l'ombre de Brachion qui disparaît également. Alors, juste pour info, comme on est entre guillemets. Comme on est pas mal en méta, si on avait joué ça en mode tutoriel, il aurait fallu quand même que tu verbalises le fait que, attention, si tu tues l'oracle, il y aura du sang autour du bateau, quoi. D'accord. D'accord. Enfin, les conséquences négatives, faut toujours les annoncer à l'avance et de façon claire, quoi. D'accord. Donc, ce que je t'ai dit en proposition, en fait, il aurait fallu que je dise tu dois payer le prix si tu le tues. Ouais, t'es pas obligé. Oui, voilà. Enfin, t'es pas obligé de dire prix à payer, mais tu veux dire ton personnage a un pressentiment. Ou alors le prêtre dit ah, si tu me tues, tes bateaux seront couverts de sang, tu vois, des trucs comme ça. Ok. Ça marche. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il faut toujours que la joueuse ou le joueur prenne les choix en conscience, ouais. Tu vois. Donc, et une idée de. Si tu annonces vaguement qu'il y aura des conséquences néfastes, c'est pas un choix en conscience, quoi. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, du coup. Je pense. Rappelle-moi, le prêtre, qu'est-ce qu'il nous a donné comme information sur l'île au final ? Le point faible du cyclope, vous avez demandé. Et c'était quoi le point faible du cyclope ? Son œil. Son œil. Ok. Moi, je pars en ricanant. Son œil, souligne à notre gueule cet oracle, franchement. J'ai pas besoin de lui pour s'en douter, quoi. Ouais, ça va, vous avez payé pour ça. Donc. Mais quelque part, on a, enfin, narrativement, on a acheté le fait que le cyclope avait un point faible. Oui, aussi. Oui, aussi. Voilà. Et également, vous l'avez donné à Poséidon, en fait. En le donnant au prêtre, par transfert, vous l'avez donné à Poséidon. Vous avez donné vos noms à Poséidon. Ouais, de toute façon, Poséidon me déteste déjà. Il nous aurait retrouvés, de toute façon. Bah alors. On veut plus de lait. Hop. Donc, très bien. Alors, les deux autres, vous êtes partis. Ouais, autres, vous êtes partis rapidement ou vous avez traîné un peu en vous doutant qu'Ulysse allait bientôt revenir ? Alors, le coup de chance, on est tombé sur une biche déjà abattue juste devant la porte. Du coup, on l'a fait cuire. Parce que Ménélaos est super doué pour faire des feux. Merci. Donc là, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à couper les carottes. D'accord. Et donc, donc Ulysse ressort pendant que les deux compagnons sont en train de se préparer à manger. Ah, je vois que les dieux nous sont favorables. Ils nous ont envoyé du gibier. Ulysse, ta dague est pleine de sang. Ah, c'est... on a sacrifié une poule ou deux. À la gloire de Poséidon. Et ta toge est aussi pleine de ça. Ouais, je sais, je suis un peu crado. Oui. Du coup, je vais m'immerger, en fait, dans l'eau. Tiens, moi, je suis tout seul avec Orphée. Je lui tiens ce discours. Je lui dis, Orphée, Ulysse, en cherchant le courroux de Poséidon, ne fait que nous retarder. Alors, regarde, nous sommes encore sur cette île alors que nous pourrions aller directement sur l'île des morts. Ménélaos, tu n'y penses pas, je ne sais pas naviguer. Je suis d'accord, mais les marins d'Ulysse, eux, le savent. Oui, mais on ne peut pas abandonner Ulysse, c'est l'un des nôtres. Juste pour information, si vous abandonnez Ulysse... L'un d'entre vous deviendra Ulysse, parce qu'il y a Athéna qui protège le voyage d'Ulysse. Athéna a décidé que Ulysse rentrerait à Ithaque. Bon, elle va mourir aussi puisque c'est une déesse, mais du coup, entre guillemets, elle écrit l'histoire, la dernière histoire, elle veut participer à l'écrire, donc elle a décidé que Ulysse serait son champion. D'accord, mais moi, c'était juste pour mettre un peu de tension dans le groupe. Tu vois. Ouais. Mais j'en profite pour préciser des choses. Si vous abandonnez Ulysse, en fait, Athéna, elle a bien compris qu'il y aurait telle adversité qu'elle n'arriverait pas à permettre à Ulysse de rentrer à Ithaque. Donc, en fait, au lieu de protéger la personne Ulysse, elle protège juste le nom d'Ulysse. Et donc, en fait, si vous abandonnez Ulysse, l'un d'entre vous deviendra Ulysse. Bah, il aura son nom, il aura son passé. Et du coup, il deviendra l'héritier d'Ithaque et compagnie, quoi. Mais comme je quand disiez, même sympa. Tu vois, Ménélaos, par exemple, toi, serviteur, qui est moins que rien. Si vous abandonnez Ulysse, tu deviendras peut-être Ulysse. À toi, Ménélaos, à toi, Ithaque. Vous êtes horrible. Quand Ménélaos dit ça à Orphée, en fait, moi, je prenais mon point très triste, tu vois. C'est pour ça que je le joue comme ça. Ok. Et je ne sais pas que je vais devenir Ulysse, tu vois. C'est pas... Bah, en théorie, en tant que personnage, tu es censé le savoir. Peut-être que tu mets à réfléchir, tu vois, en le disant, puis les personnages sont censés savoir que s'il disparaît, il sera remplacé. Ouais, tout à fait. Mais sauf que Ménélaos perdra ses souvenirs à lui. Non, il les perdra pas, ça va se fusionner. Fusionner. Ouais. Ah, d'accord. Abandonnons Ulysse sur cette île. Non, tout cela n'est que folie. Nous aimons Ulysse, nous allons garder avec nous. Ah ouais ? Ah, c'est beau. Non ! Les dieux s'en prendront à lui plutôt qu'à nous, comme ça. Est-ce que tu aimes plus Eurydice ou Ulysse ? Ah, le choix est tellement dur. Eurydice, bien sûr. Eh ben alors, tu vois bien qu'il nous retarde. Il n'arrête pas de chercher à se confronter à Poséidon. Juste, je vous interromps deux secondes. Pendant ce temps, Ulysse est en train de s'immerger dans l'eau et vous voyez qu'il y a une flaque de sang qui s'étend et qui ne semble jamais s'arrêter. En fait. C'est-à-dire que les problèmes de sang d'Ulysse qu'il avait suspecté pour le bateau s'étendent aussi à son corps. Ah, voilà. Sa personne. Donc quand je me baigne en fait, dans l'eau, ça aussi, y a une voilà. flaque de sang de moi. Ouais, okay, c'est ça. On dirait qu'on vient d'ouvrir le cœur. Peur de mort, Orphée. Peur de mort. Je serai en droit de te l'interdire parce que tu ne me l'avais pas annoncé à l'avance. Mais bon, je trouve ça sympa. Oui, donc c'est toi qui me l'as suggéré en fait. C'est pour ça que je. Ouais. Que j'ai tant. Non, oui, après, t'as raison. Ouais. Mais c'est pas grave, j'accorde. Merci bien. Je suis bon joueur. Oh oui. Donc. Bon. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais dire, je veux dire un truc pour Thibaut. Enfin, remarque, ouais. Ménélo, c'est parti ça. Mais juste comme ça, en fait, en tant que MJ, il faut aussi que tu veilles à équilibrer un petit peu les quarts d'heure de gloire. Ouais. Donc, on a beaucoup fait Ulysse. Oui, on a fait Orphée. Ménélos, il est resté bien tranquille. Donc, en fait, il faut que tu prévois très rapidement de faire des trucs qui le concernent. Par exemple, justement, pourquoi pas envoyer un figurant qui vient dire à Ménélos, ah oui, mais c'est pas mal ton idée d'abandonner Ulysse, il faut le faire. En termes de serviteur, il va très bien comme ça, comme un peu un spectateur, ça lui va très bien pour l'instant. Ouais, oui, mais en fait, le MJ, il doit te challenger. Même si toi, tu veux être spectateur, le MJ, il n'en a rien à foutre, il faut qu'il te challenge. Ça marche. Bon, ouais. Juste les Ménélos, tes deux traits, enfin tes deux caractéristiques, c'est quoi déjà? Dévouement et traîtrise. Le premier, j'ai pas entendu. Dévouement. Ah, dévouement, oui, c'est ça. Voilà. Oui, je me rappelle que c'était très drôle. C'est ça. Ok. Dévouement et traîtrise. Très bien. Donc vous mangez, j'imagine, pendant qu'Ulysse se prend son bain. Et voilà. Et donc vous repartez à l'exploration de l'île, donc, ou vous retournez au bateau? Bon, on va continuer. Ou alors vous avez d'autres choses à demander au prêtre. Non, en fait, il serait temps de repartir. Nous l'île. Je peux lui demander grand chose. Ça ne vous intéresse pas plus que ça. Voulons, c'est retrouver Ulysse. Est-ce qu'à un moment, est-ce qu'on est au courant, Ménélaos et moi, que le prêtre n'est plus? Vous pouvez vous en douter, mais vous n'êtes pas allé vérifier. Ulysse vous l'a pas dit, je crois. Pour information, tout ce qui est dit à haute voix à la table, et puis de toute façon, on ne fait pas d'aparté dans Odyssée, ah oui, c'est vrai, peut être connu des joueurs. C'est-à-dire que tu peux décider, en tant que joueur, que ton personnage, il a le pressentiment que l'oracle s'est fait zigouiller. Quoi. D'accord, ou on a entendu les cris ou quelque chose. Quoi. Tu l'interprètes comme tu veux, la télépathie ou juste une opinion, mais effectivement, tu peux jouer comme si tu savais que j'avais tué l'oracle. Mais tu peux peut-être cette blague, si tu ne savais pas. Pardon, excuse-moi Isabelle, je te Oui, c'est à ton choix. Ouais. Par exemple, moi, je peux jouer comme si j'ignorais que toi, Ménélos, tu complotais dans mon dos. Mais je peux aussi me dire, non, mais Ménélos, je sens trop pas, quoi. Il veut me faire des enfants dans le dos, là. Donc, ouais, vous êtes au courant. Ouais. Si on veut. Donc, on décide de reprendre le chemin. Ok, dans la forêt donc. Moi je me dirige vers l'embarcation. Pour moi, ah oui ? Ah oui, d'accord. Ménélos, mon fidèle serviteur, tu ne peux pas me laisser. Sans toi, je ne suis rien. Bon, ben, je suis Orphée, mais en ronchonnant. En traînant les pieds. C'est pas juste. Ok. qu'est-ce qu'on fait sur cette île? Je trouve grognon. On s'emmerde dans cette aventure. Non, Oasis nous entend. Oui, c'est vrai. Donc, ouais. Donc, vous avancez à la forêt. Est-ce que, juste Thomas, là, est-ce que je fais juste de la description et ensuite je propose un choix, ou alors je préviens tout de suite que si vous vous enfoncez dans la forêt, il y a des chances pour que vous tombiez sur le cyclope. Est-ce que je préviens tout de suite du risque? Parce que c'est comme ça qu'on le voit dans Ouais, je pense que c'est mieux, ouais, tout à fait. Parce que c'est comme ça, c'est dans le livre, voilà. Pourquoi on va dans la forêt, c'est pour récupérer de la bouffe. Donc tu peux dire, si vous êtes dans la forêt, vous récupérez de la bouffe, mais vous tomberez nez à œil avec le cyclope. Oh, c'était beau. D'accord. Donc voilà, ouais, c'est à peu près le choix que vous avez. C'est-à-dire, vous pouvez, si vous vous enfoncez dans la forêt, vous réussissez votre objectif qui est de récupérer de la nourriture, mais vous risquez de tomber nez à nez avec une menace assez conséquente. Bien sûr, ça t'interdit pas de faire une description de la forêt, peut-être utilisant un des six thèmes de l'univers. Qui est prévu, ouais. Donc, des six thèmes de l'univers ou un des symboles, ce qui peut être rigolo aussi. Ouais. Par exemple, l'art, tu peux dire que la forêt est soit très artistique, soit au contraire hideuse. D'accord. Donc, vous vous enfoncez dans la forêt. Donc au début, vous avez juste des arbres classiques, donc rien de très étonnant. Et plus vous avancez, plus les arbres semblent être grands et larges surtout. Et en fait, ils prennent la forme, vous avez l'impression d'y voir des visages, mais des visages immenses en fait, comme des visages de géants. En fait, c'est comme si vous étiez dans un cimetière et que dans le cimetière des cyclopes et qu'ils se transformaient peu à peu en arbres. Donc, ce qui donne une végétation extrêmement imposante, mais d'un autre côté, vous avez l'impression d'être observé de tous côtés. Les arbres ont des yeux. C'est ça, voilà. Les arbres ont des yeux partout. Donc, et qui vous observe avec une plus ou moins de... Enfin, avec des regards assez inquiétants. Donc, votre avancée prend un certain temps et vous parvenez enfin à la partie rocheuse de l'île. Dans laquelle sont creusées des grottes. Et donc, vous voyez des moutons qui semblent sortir d'une des grottes. Et donc, logiquement, vous foncez Oui, voilà, c'est ça. Oh, du gibier sauvage en plus. Ça tombe bien, on cherche de la nourriture. Ah, le monde est bien fait. Et, Et c'est avec joie que vous commencez à les attacher pour les rembarquer avec vous. Et ils sont allés tous les deux dans la forêt, il y a l'équipage qui les a suivis. Non, pour l'instant, vous êtes seuls. L'équipage, il est sur le bateau. Ouais, donc tu les attaches vivants, en fait, tu les encordes, quoi. Voilà, c'est ça, vous les encordez. Si je peux me permettre, Thibaut. Oui. En plus, on allait récupérer les moutons, mais en fait, t'es pas obligé de dire ce que vont faire les joueurs. Plutôt que laisse les joueurs. Oui, non, bien sûr, parce que j'étais sur. Ouais. Parce que j'étais sur. Les moutons ou compagnie, en plus, ça fera un moment de jeu, quoi, tu vois. Oui, bien sûr, ouais. Non, parce que j'étais sur l'idée de vous les embarquer, mais j'ai une certaine tendance à aller un peu vite. Mes excuses. Donc voilà, vous retrouvez face à une masse de nourriture assez imposante. Les moutons. Ouais, donc. On va les emmener avec nous et on va commencer à faire demi-tour vers le bateau. Mais tu as les moutons sur la tête. Bien prudent. Oui, il n'y a personne. Hein? Il n'y a personne, il n'y a pas de barrière. Quelqu'un, ces moutons. Mais non. Et au moment où. Personne autour, cette île. Et au moment où la phrase. Et au moment où la phrase « Mais ils sont à quelqu'un, ces moutons » fuse, le sol se met à trembler. Et vous voyez que les arbres s'écartent peu à peu avec une tête qui en dépasse. Une tête avec un seul œil qui vous fixe et qui a l'air extrêmement mécontente de vous voir ici. Fuyons, mais à la réflexion, ils étaient peut-être à quelqu'un, ces moutons. Et vous êtes bloqué contre la montagne et le géant continue à s'approcher. Ouais, attendez, vous connaissez son point faible, c'est bon quoi. Voilà. Là, je suis déjà en train de préparer l'arc et les flèches, là. Okay. D'accord. Donc, Thomas, dans cette situation-là, je... En gros, on se prépare à... On est sur une idée de... De combat. Ouais, de combat et de sacrifice, c'est ça Encore dans le... Ouais. Ça paraîtrait illogique qu'on puisse tuer Cyclope sans rien payer, quoi. Voilà. Donc, après, Eric et Isabelle qui définissent ce qu'ils veulent. Hein. Donc, oui, peut-être qu'ils choisissent s'ils veulent tuer. Cyclope, hein. Ouais. Peut-être qu'ils veulent s'en sortir autrement. Hein. Ouais. Et donc, le cyclope parvient jusqu'à vous. Trop petit pour être des géants. Il s'approche de vous avec l'œil de plus en plus ouvert. Trop grand pour être des moutons. Vous n'êtes que des humains. Oui. Et qui êtes-vous? On est juste de passage. Si on pouvait emprunter quelques moutons. Vous venez me voler ma nourriture. Pas du tout. Non, les circonstances sont trop peu, c'est tout. Nous avions faim, c'est tout. Oh, mais moi aussi, j'ai faim. J'ai tout le temps faim. Vous saviez à quel point c'est insupportable. Chaque matin, je me réveille et j'arrache la tête de 3 moutons. J'ai faim. Mais venez me voler ma nourriture. Alors, peut-être qu'on peut faire un petit marché. Vous voyez qu'il s'énerve, qu'il s'énerve de plus en plus. Et que si vous voulez négocier, c'est peut-être le moment. Ou faire autre chose. C'est à vous de voir. Alors, combien ça nous coûterait 5-6 petits moutons? J'interviens, j'imagine qu'il faudrait, enfin, là, comment on joue toujours sur des entiers, en fait. Négocier des petits morceaux, c'est ça. Et clairement, on a zéro vivre, et je pense qu'il nous faudrait tous les moutons, quoi. Oui. Alors, le marché, on prend tous les moutons et on t'épargne ta vie, Cyclope. C'est pas mal, ça. Il s'arrête 10 secondes et vous voyez un grand sourire se former sur son visage. Puis, il se met à rigoler très largement. Vous avez vraiment un sens de l'humour que je n'avais pas vu depuis longtemps. C'est l'humour grec, là. Comme c'est mignon. Regarde Orphée, tu as du lit, cet humour. Regarde horrifié. Oui, c'est ça, voilà. D'un côté, c'est presque, vous dites, il y a peut-être un espoir, et de l'autre, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais vous rigolerez moins quand je vous aurai arraché la tête. Et à mesure qu'il se met à rire, vous voyez qu'il y a des bouches qui commencent à s'ouvrir un peu partout sur son corps, en fait, et qui commencent toutes à rire avec des voix différentes. Et qui résonne sur toute l'île. Et vous voyez au loin des oiseaux qui fuient cette apparition monstrueuse. Et donc, il menace de vous arracher la tête avec joie et entrain. Du coup, comment ils peuvent faire pour crever son œil, hein? On a Orphée qui commence à préparer son arc, si j'ai bien compris. Oui. Donc elle peut tirer les flèches. Attends, mais... excuse-moi, je t'interromps. Je t'interromps sur un point de règle. Ouais. C'est qu'en fait, là, on est sur un conflit où plusieurs personnes peuvent intervenir. Ah, il y a Orphée qui peut intervenir. Il y a Ménéalélos. Bon, je pars du principe que lui aussi, il a envie de tuer le cyclope. Et il y a moi aussi, parce que, en fait, même un personnage qui est pas là peut payer le prix d'une certaine façon. On trouve une explication magique, mais c'est possible. Moi, par exemple, je pourrais claquer mon pouvoir, par exemple, pour dire que je vous ai utilisé comme diversion et pendant que vous amusiez le cyclope, je suis arrivé par derrière, quoi. Ouais. Ceci dit, ce qui se passe, c'est que tu es obligé. S'il y a plusieurs personnes qui sont prêtes à attaquer le cyclope, tu demandes en qui on a le plus confiance pour gérer la situation. Oui, d'accord. Nous trois. Et c'est à cette personne-là que tu proposes, que tu annonceras le prix. Et du coup, tu annonceras un prix personnalisé. D'accord. Tout à l'heure, Offred. Sous-entendez qu'elle pouvait préparer son arc, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui veut agir, peut-être plus. Alors vous avez... Non, le fidèle serviteur se met donc en retrait. Voilà, c'est ça. C'est pas moi le héros. Effectivement, je pense la légende ne reviendra pas à grand-chose de ton nom. Cours chercher Ulysse, Ménélaos. Vite, cours. Je pars donc... en courant comme ça. Ok. Du coup. Et il y a Ulysse. Ouais, mais. Et moi, j'ai mon pouvoir durement acquis et j'ai pas envie de. Enfin, voilà. Non, je vais laisser Orphée gérer, du coup. Ah, d'accord. Bien. Donc, Orphée, tu peux essayer de tirer une flèche dans l'œil du cyclope. Donc, vu qu'il a l'air de bouger énormément et qu'il te fait peur, tu risques de rater plusieurs fois ton tir. Donc, si tu réussis ton tir, il sera déjà sur toi et donc risque de t'arracher la main avec laquelle tu crées habituellement, avec laquelle tu fais de l'art. Donc, du coup, il ne pourra plus faire de l'art, quoi. Voilà, c'est ça. Tu perds ta capacité à créer quelque chose. Tu pourras continuer à chanter, donc rester dans la tradition orale, mais tu pourras rien laisser qui restera, qui sera transmissible, qui durera dans le temps. D'accord. Et là, si tu veux, Thibaut, tu peux renforcer le truc en faisant jouer un flashback où soit tu refais jouer le flashback de la fresque parce que c'était une création à la main, soit un autre flashback. Avant que du coup Orphée ne prenne son choix, ou tu peux même faire un flash forward où par exemple Orphée écrit et fait une fresque qui raconte toute sa légende, quoi. D'accord. Comment il sauve Eurydice des enfers, tout ça, et en lui expliquant que elle pourra pas le faire, quoi. D'accord. Et ça, je le fais avant ou après qu'elle ait fait son choix? Avant. Ouais, déjà. Pour justement rendre la décision vraiment pesante à prendre. D'accord. Donc tu finis de préparer ton arc et à mesure que tu t'en mets en place, tu t'imagines en train de dessiner une magnifique fresque qui représente toutes tes aventures, le temps que tu as passé aux côtés d'Ulysse, mais à chaque fois, plus tu avances dans ta conception, donc plus tu recouvres de surface avec ton histoire, et plus la surface créée avant disparaît, comme si ta légende te rattrapait. Et comme si en fait tu disparaissais peu à peu, et tout ce que tu as fait n'avait jamais existé. Tu avais fait tout ça pour rien. D'accord. C'est un peu comme le cyclope était en train de détruire sa fresque. C'est ça. Et peu à peu, et avec... Et plus tu avances, en fait, plus ta main commence à tomber en morceaux, et finalement, ce n'est plus qu'avec un moignon sanguinolent que tu essayes de laisser une trace de toi, mais celle-ci disparaît quoi qu'il arrive. D'accord. Donc c'est à moi de faire le choix maintenant. Ouais. Voilà. Et pour information, comme Ménéalos et moi-même avons déclaré forfait, si toi aussi tu déclares forfait. On perd définitivement et l'opportunité de tuer le cyclope et du coup on perd les moutons, quoi. Oui. Alors cyclope, on est parti sur des mauvaises bases, donc pour m'excuser, je voudrais pouvoir te jouer un magnifique solo de lyre. Et donc je sors ma lyre et je commence à jouer des notes magnifiques qui s'envolent vers les cieux en espérant l'endormir. Donc, tu rends... Ouais, c'est ça. De ma voix magique. Là, si tu veux, la joueuse, elle essaie de tambourier. Oui, c'est ce que je me disais. Elle essaie de tambourier. Donc, là, franchement, sur ce genre de truc, il y a des fois, si la joueuse te propose une embrouille qui est vraiment ultra bien ficelée et tout, il y a des fois tu vas céder. Moi, je serai à ta place là-dessus, je céderai pas. Oui, c'est ça. Non. Ou alors, je demanderai un autre prix à payer. Non, c'est pas. Si tu vas t'endormir et il va se passer tel truc, tu vois. Mais clairement, je la sauverai pas sur ce coup. Non. Mais j'aime bien en plus la main qui disparaît. Donc oui. Donc que choisis-tu? Bah après, il faut être. Non, mais il faut être. Enfin, tu lui expliques. Tu expliques pourquoi le coup de la Oui. lyre, ça marche pas, quoi. Oui, bah là, tu la marche pas enfin le cyclope continue de rire donc et que lorsque tu essayes de jouer de la harpe, en fait, tu sens bien qu'il n'y a aucun son qui s'en échappe. Il y a que les réverbérations des rires, hein, des rires qui commencent à t'attaquer les oreilles et qui empêchent toute mélodie. D'accord, il n'est pas sensible à la musique. Non, désolé. Embêtant. Ouais. Bon, j'ai plus Sachant que qu'à tu peux tenter être un. l'arc, enfin, j'ai pas Ouais, le bah oui, choix. bah c'est ça, oui. Bah, je tente l'arc, je lui décoche une flèche au moment où il rit le plus. Il est tordu de rire, donc il est un petit peu plus près du sol. Et je lui décoche une flèche dans l'œil. Donc la flèche part de ton arc pendant que ton fidèle serviteur, lui, est bien planqué derrière un buisson en espérant que tout ça passe sans dommage. Moi, je suis en Et train de baigner dans le sang. c'est ça. Et Ulysse, lui, est en train de repeindre la mer. Et donc la première flèche part, mais tu ne réussis pas à toucher ta cible. Donc il continue à s'approcher de toi en riant toujours plus fort. La deuxième flèche, elle non plus n'atteint pas sa cible. Et ce n'est qu'à la troisième où tu réussis à toucher son œil, mais il s'écrase littéralement sur toi et sa bouche emporte ton arc et également ta main. Donc, D'accord. mais son œil est percé et donc il tourne en tous sens. C'est à la flèche qui indique plus précisément la direction de son regard perdu. Donc, il s'agite en tous sens et qui est extrêmement désagréable. Oui. Et il commence à être agité de convulsions à terre. Et Mais comme il est à terre, j'en profite pour sortir une dague. d'accord. Et pour l'achever? Voilà. Ouais. Pour le saigner, je lui plante la dague au milieu du front. D'accord. Thomas, est-ce Oui. que là aussi, ça requiert un sacrifice, j'imagine? Bah non, parce Est-ce qu'on pousse, que ouais, jusqu'où on pousse le vice, en fait? enfin, je pense qu'il faut être honnête dans le sens où on a acheté le point faible du cyclope. Oui. Il me semble que dans le combat du cyclope, on avait bien précisé qu'on le tuait. Donc là, D'accord, voilà, oui. c'est bon quoi. Hein, Ok, ça marche. Donc tu sors ta main, enfin tu essayes de récupérer ta dague que tu cherches d'abord avec ta main disparue, avec l'autre main, oui. et puis tu te rappelles que ah oui mince, elle est dans la bouche du cyclope. Donc de ton autre main tu sors ta dague et tu commences à percer le front du cyclope en t'y reprenant à de nombreuses reprises vu que son front est vu que son crâne est Ouais, ça assez c'est épais, épais quoi. c'est ça, et donc tu es obligé de revenir dessus avec la flèche qui manque de qui man la flèche plantée dans l'œil du cyclope qui manque de te toucher et qui Mais... continue à s'agiter avec les centaines de petites bouches qui crient de douleur et de tristesse. Et tu finis par enfoncer ta dague dans la cervelle du monstre avec un bruit sec, et toutes les bouches crient une dernière note et s'arrêtent d'un coup. Là. C'est ça, voilà. Et plus rien. Et le silence tombe sur l'île. D'accord. Oui. Bon, Mais donc là, Ménéalos peut sortir de son buisson. Je sors. Oh! Oh, quel Juste comme héros! ça, quel est-ce dans quels Les mémoires se souviendront de toi! les Quand vous ramenez les moutons, ils font quelle tête, entre guillemets? Est-ce qu'il y a une émotion qui se lit sur eux ou pas du tout? C'est une Pour la tête de tête de mouton, Allez, moi. les moutons sont un tout petit peu choqués. C'est-à-dire que là, ils ont comprennent pas bien ce qui s'est passé et donc vous les avez encordés, c'est ça? On reste sur Oui, l'idée de on les base? a Ouais. attachés les uns aux autres pour faire une longue file de moutons. Voilà, et c'est un peu laborieux, c'est-à-dire que tous essayent de partir dans des directions contraires. Voilà, vous arrivez à les tirer. T'as des moutons qui partent dans des directions contraires, ils doivent vraiment être chamboulés. Hein. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, vraiment dans tous les sens, comme s'ils essayaient de vous faire tourner en bourrique. Ou alors, on dirait que ces moutons sont devenus chèvres. Oh, Alors, juste pour information, Thibaut, c'était une invitation en fait à te faire jouer les émotions des figurants. Allez, des figurants, pas des moutons, désolé. Bah les moutons sont des figurants en fait. Ah oui, c'est. En fait, même avec un animal, tu peux faire passer une émotion d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand on l'aura mis en michouille et qu'on le fera cuire, il aura des petits yeux comme ça, tout triste, en nous regardant. pourquoi pas. Alors. Et au passage, je récupère ma dague du crâne du cyclope, ça peut servir. Ouais. Ok. Est-ce qu'il a des choses sur lui qu'on pourrait fouiller, récupérer ou autre ? Il est en pagne. Alors, on va pas fouiller alors. Après, vous avez sa grotte juste derrière. Juste comme ça. Ouais, Thibaut, justement là, ça peut être bien d'accorder quelque chose parce que effectivement, dans le jeu, c'est précisé que des fois, il faut faire des cadeaux. Il faut penser à faire des cadeaux assez régulièrement quand même aux personnages pour les étouffer puis aussi pouvoir leur réclamer plus tard. D'accord. Alors attends, est-ce que dans les, je crois que dans le bouquin, il y a attends, fais voir, c'est quoi motivation. Merde. Je crois que il y a même une table de cadeaux justement. Alors merde. Pendant ce temps-là, c'est le reste de l'équipage qui va s'occuper de charger les moutons sur le bateau, j'imagine. Moi, je pense, en tant que serviteur, et comme les serviteurs ont toujours des pensées assez positives, je pense que la mort du cyclope et le fait que nous avons trouvé de la nourriture pour le reste de notre voyage, il faudrait faire une sorte de fête, tuer quelques moutons et les manger là, sur cette plage. J'imagine que personne... Qui laisse de traîner du sang de partout, mais bon, passons. J'imagine que personne n'a envie de manger le cyclope. Là, maintenant, c'est bon. Là, tout de suite, non. non c'est votre idée de départ, moi. C'est crevé, il va rester pourrir dans l'île. Non, mais si il a envie de manger le cyclope, je suis d'accord, mais ce n'était pas notre idée à nous. Comme il y a des moutons, je préfère manger les moutons. Thibaut. Quand elle fouille la caverne, tu peux lui faire une offrande. Donc, à la fin du bouquin, il y a des offrandes. Il y a motivation. Tu peux offrir une motivation. Alors là, je ne vois pas trop quoi faire, mais une ressource, une quête, une raison de vivre. Si, alors, motivation, ça peut être, par exemple, un prisonnier que tu trouverais dans la caverne et qui va renforcer la motivation d'Orphée à trouver Eurydice. Par exemple, le prisonnier dit... comment bientôt les habitants d'Île des Morts vont être sacrifiés à je sais pas qui. Tu peux donner une ressource, un trésor, une arme, n'importe quoi. Tu peux donner une nouvelle quête, c'est-à-dire ça peut être à nouveau un prisonnier qui lui demande de faire un truc, une raison de vivre. Si par exemple tu sens que Orphée il a besoin d'un petit coup de boost moral, une attache. C'est pareil, ça pourrait être encore un prisonnier ou quelque chose qui va entre guillemets aimer Orphée, quoi. Mm-hmm. Une relation. Là, à nouveau dans cette caverne, ça risquerait d'être un prisonnier. Un prisonnier ou pas, il y avait peut-être des personnes qui étaient dans l'île de leur plein gré, hein, comme l'oracle après tout. Ça peut être, par exemple, comme ressource, ça peut être de trouver justement, pourquoi pas, un autre prêtre d'un autre dieu ou un oracle qui peut. C'est toujours utile d'avoir un oracle dans un bateau. Hein. D'un oracle ou un prêtre, parce que si tu veux des effets magiques, tu vas avoir le prêtre et dit vas-y, permets-moi tel effet magique. D'accord. Donc c'est ça. Donc tu t'aventures dans la caverne dans laquelle il y a encore l'odeur du cyclope qui est assez prenante et celle des moutons que vous venez de trouver. Et au fond, tu entends quelqu'un qui est en train de parler, presque de prier en fait. C'est comme une litanie qui revient encore et encore. Et lorsque tu t'en approches, tu vois que celui-ci se roule en boule au fond de ce qui devait être sa cellule, en fait. Non, s'il vous plaît, ne me touchez pas. Pas encore, s'il vous plaît. Et tu vois qu'il commence à te supplier de ne pas lui faire de mal. Ne crains rien, étranger, qui es-tu ? je, je, Je suis un prêtre d'Artémis. Je s'il vous plaît, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas lui. Je suis Orphée, compagnon d'Ulysse. Vous êtes gentil. Bien sûr. On t'a délivré du cyclope. La grande déesse soit louée. Oui, merci. Oh, merci mille fois. Tu vois qui se lève et qu'il a ses habits en haillons, qu'il a repris son habit de prêtre et qu'il l'a raccommodé, ce qui donne quelque chose de totalement différent par rapport à ce qu'il avait avant. En fait, il a recomposé sa tenue et il te suit tant bien que mal. Tu vois qu'il a la jambe qui a été tordue, voilà, et qui boite un peu et qui suit derrière toi, mais avec une joie et une motivation que même ton fidèle serviteur n'a pas témoigné tout à l'heure. Est-ce que tu me rappelles, c'est Artemis, c'est le dieu de quoi? Déesse de la chasse. Ouais, déesse de la chasse. Elle est toujours comme ça, avec un arc très farouche. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc vous retraversez l'île, donc avec les moutons qui pètent un câble et les arbres des cyclopes semblent s'être un peu affaissés, en fait. Vous avez leurs yeux qui semblent presque pleurer maintenant, même si ils sont pas animés, hein, mais vous avez l'impression qu'il y a un changement quand même. Et les feuilles des arbres commencent à tomber. Okay. D'accord. Voilà, alors que ce n'est pas du tout une question de saison. Et vous revenez au bateau. Donc là, le problème qu'on a avec le bateau, c'est qu'en fait, il est foutu, quoi, hein, il a été sabordé. Ah, mais là, qui a fait ça? Tu peux déguiser plein de moutons pour... Quoi ? Refaire un sacrifice pour refaire redémarrer le bateau. On peut buter le prêtre, déjà. Ouais. Alors, ouais, juste histoire d'aller vite, hein, Thibaut. Oui, oui. Comment ? Là, effectivement, tu pourrais demander un prêt à payer pour reconstruire le bateau. Ouais. Je pense que pour aller vite, on va passer là-dessus. C'est-à-dire que bon, bah, on peut reconstruire le bateau, c'est pas un souci. Mm-hmm. Par contre, effectivement, pour le faire repartir, il faut que quelqu'un sacrifie un être cher à Poséidon. Oui. Donc la question, c'est qui s'y colle. Oui. Ouais. Et là, c'est lourde tombe, alors, c'est ça. Écoute, t'as décliné le sacrifice de Ménéalos une première fois. Je suis désolé, mais là, je pense que c'est ton tour. Regarde, ton fidèle serviteur, il sera heureux de mourir avec toi. Moi, je veux bien tuer quelqu'un de cher, mais je vois pas qui, à part lui, est vraiment cher, quoi. Donc, alors, si personne ne t'est cher, mais là, ça va être vite fait. Il y a comment là, juste... Et puis le prêtre est plus gentil avec moi, donc je pense que... Thibaut, t'as deux options en fait. Ouais. Soit parce qu'en fait la Ménéalos entre guillemets, enfin, se protège en disant moi je n'ai personne à sacrifier. Ce qui se tient. Ce qui est faux déjà. Ouais. Premièrement, c'est factuellement faux parce que après ouais. tout, il y a au moins Orphée. Oui, non, mais c'est ce que j'ai dit. À part Orphée, mais je vais pas sacrifier un joueur. Voilà. Tout à fait. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu refais un personnage après. tu peux estimer que c'est suffisamment intéressant et source de tension pour laisser passer. Ou tu peux, entre guillemets, creuser en disant, en posant des questions à Ménéalos, mais t'es sûr qu'il n'y a personne dans l'équipage avec qui tu t'entends bien, quitte à justement jouer un flashback en disant, eh ben, on va jouer le meilleur moment que t'as pu passer avec un autre des marins d'équipage. Tu vois, par exemple, dire D'accord. que je lui crée une relation et du coup, ça lui donnerait une possibilité de sacrifier quelqu'un. Là, c'est un peu à toi de voir. Peut-être à la rigueur, on peut aussi demander à toi, Eric, qu'est-ce que tu trouverais plus sympa, en fait. Non, mais parce que moi, en y réfléchissant, je peux... Ouais, non, le flashback, ça me paraît pas mal. Ok. Ok. Donc, est-ce que tu as une idée de... Ouais, d'accord, ok. T'as une idée de piste, à la limite? Ouais, ok. J'allais bien que ça allait me retomber dessus dans tous les cas. Donc, bah, on t'écoute. Donc, on est sur une des îles qu'on a croisées pendant... Et je me promène tranquillement dans une sorte de forêt, mais assez bien vieillante. et je vois Zena se baigner. Et je l'épie comme ça derrière un buisson et ça m'intrigue et je le trouve très beau et compagnie. Et à un moment, il me voit et il m'invite à le rejoindre. Et voilà. Et depuis, en fait, depuis ce moment, bah, le soir, quand Orphée s'endort, je quitte ma tente pour rejoindre celle de Zenas. Je le savais depuis le début. Tu as quelque chose à rajouter sur le flashback, Thibaut? Là, comme ça, je sèche un peu, honnêtement. Bon, ça peut être. Bon, comme on est pressé par le temps, ça peut être largement suffisant. Alors, à chaque fois. De toute façon, c'est juste pour réparer tes bêtises. À chaque fois que tu sèches sur une mise en scène, retourne vers leur Deus Ex Machina, c'est le mieux à faire. Ah oui. Bon, mais là, effectivement, ça peut suffire. Ça, dans un flashback, les autres joueurs peuvent intervenir s'ils veulent. Comment, par exemple, moi, je peux dire que quand je les vois, quand je vois, je surprends Ménéalos en train de rejoindre Zenas et j'ai un petit sourire complice, par exemple. Je trouve intéressant de voir qu'il y a encore un peu d'amour au sein de ce bateau et qu'on soit pas tous des brutes cyniques. Moi, je suis jaloux que Ménéalos aime quelqu'un d'autre et soit dévoué. Tout le monde m'a repéré, c'est ça, hein? Oui, vous n'êtes pas discret tous les deux. Ça fait un peu trembler les lattes du bateau. Et donc, oui, et donc voilà. Donc, on a trouvé quelqu'un que tu aimais bien. Ça, c'est ouais. Un peu le début. Et donc tout le monde se, enfin, les autres, enfin, tout le monde se rapproche. Moi je vote toujours pour qu'on tue Ménéalos parce que, comme il a des velléités de me supprimer, bon, tu vois bien, c'est marrant. Oui, bien sûr. Ménéalos, moi, je suis pour qu'on tire au sort. Ça me paraît le plus juste. Moi, par jalousie, je suis pour qu'on tue Zenas. Les autres marins font « Mais non, mais c'est pas possible. Non, mais non, nous, on n'a rien demandé. Hein. Après tout, on n'est pas dans la légende. Nous, on veut juste rentrer chez nous. » Mais si, on sera tous dans la légende. C'est un scandale. Ah oui, d'accord. Et c'était qui était sur l'île, hein? Voilà. Et donc voilà, tout le monde commence à s'exciter un peu et à montrer son mécontentement. Voilà. Alors là, il y a plusieurs façons de gérer. Soit on joue un conflit, alors sauf qu'on est trois sur des options différentes. Sachant que moi, comme j'ai un pouvoir, je peux claquer mon pouvoir pour avoir deux voix et du coup, ce serait mon choix qui dominerait. Sauf que j'ai pas du tout envie de claquer un pouvoir juste pour ça. Du coup, ce que je dis à Orphée, j'ai fait Orphée, bon. Finalement, j'aime bien son idée de tirer au sort. Je me dis que j'ai pas grand-chose à craindre parce que moi, de toute façon, j'ai tué Bracken, donc c'est bon. J'ai plus personne à tuer. Oui. Moi, je suis déjà triste d'avoir perdu une main, alors si en plus je perds Ménéalos. Et t'as le prêtre. T'as ce prêtre là, ce prêtre d'Artemis. C'est vrai. C'est vrai. Le prêtre s'accroche à toi. Oh non, non, faites attention à vous. C'est vrai, il fait pas partie de l'équipage, lui. Oh, Seigneur. On l'a emmené. C'est utile d'avoir un prêtre à bord. C'est mon nouvel ami. Il me comprend. Si vous me tuez, la déesse Artemis me vengera. Moi, je suis pour tuer ce prêtre. Il ne fait pas partie de l'équipage. Mais il n'y a que Orphée qui peut le tuer, parce qu'il n'y a que Orphée qui tient un peu à lui, quoi. Oui, moi, je tiens beaucoup à lui, et puis il est proche et il est gentil. En plus, bon, Ménéalos, moi, ce que je te propose, c'est qu'on tire au sort à la courte paille entre nous trois, et celui qui sera tiré au sort devra sacrifier un être cher. Ça marche. Donc, en fait, on est deux à vouloir ça. Donc, toi, Orphée, même si tu n'es pas d'accord, on est deux contre un, donc on est obligé de faire ça, quoi. Faites. Alors, comment tirage au sort Bon, alors, en fait, le tirage au sort, on peut le faire vraiment en tirer au sort, quoi. Genre en tirant un dé. Ou sinon, on peut payer notre bonne fortune auprès d'aller voir le prêtre d'Artémis pour acheter de la chance. Mais moi, j'aurais une question pour nos auditeurs qui Ouais. Qui, à la place de Thibaut. Là, moi, je fais une proposition de tirage au sort de tout l'équipage. Est-ce que Thibaut n'aurait pas pu prendre la main en disant voilà, il y a eu un tirage au sort et c'est Zenas qui tombe. Non ? Ah ouais, tu peux faire ça. Ouais. D'accord. Ah ouais. Oui. Du coup, c'est Zenas qui doit tuer quelqu'un, c'est ça ? Ah non, c'est Zenas qui est tiré au sort, donc c'est lui qui doit être sacrifié. Donc on en revient à que c'est Ménélos qui perd son. Ouais. Tu vois ? Et en plus, moi, ça me paraît cohérent dans le truc. Et en plus, le joueur de Ménélos qui peut faire une crise disant non. Oui, c'est tout. Tu vois, il y a plusieurs façons de gérer la situation, donc cette façon-là, elle est intéressante aussi. T'en penses quoi, Thibaut ? Ouais, on peut faire ça, ouais. Ça marche. Tuons plutôt le prêtre d'Artémis, nous ne le connaissons pas ! Ouais, là, comment... non, c'est trop tard. C'est trop tard, Ménéalos, prends tes responsabilités. Le tirage au sort, c'était ton idée. Je pense que les dieux ont décidé qu'il en serait ainsi. Tiens, prends mon glaive. Qui est déjà plein de sang. Tue ton amant. Mais en plus, c'est moi qui dois le tuer ! Mais il n'y a que toi qui peux le tuer, il n'y a que toi qui l'aimes dans ce bateau. C'est trop dur. Je l'aurais volontiers fait à ta place, mais ça m'était impossible. Et tu vois donc, que ton amour te regarde avec de grands yeux pleins de peine et de tristesse, te suppliant de ne pas le tuer, s'il te plaît, non. Zena, s'il le faut, c'est pour la cause commune. La lame dans le cœur et je m'écroule comme ça à genoux en pleurs. Je le fais pour toi, en fait. Et les voiles du bateau se gonflent. Ouais. Ah. Alors, c'est pareil. Bon, on n'a pas le temps, mais tu aurais pu être méchant, en fait, avant qu'il décide de le tuer, de refaire un flashback avec Zenas et tout, les meilleurs moments, tout ça. C'est une petite séance diapo souvenir. Horrible, mais j'aime beaucoup. Donc, on va pouvoir arriver à l'île des morts. Alors, soit tu décides de nous faire jouer une péripétie sur le trajet jusqu'à l'île des morts, soit si on se dit que c'est quand même là, comme il nous reste pas beaucoup de temps et c'est quand même sympa de faire l'île des morts, on arrive cash devant l'île, quoi. Ouais, je pense qu'on va une péripétie en plus, ça risque de nous prendre une demi-heure. À la rigueur, décris-nous juste la traversée, à quoi elle ressemble la mer sur le trajet. Vous reprenez donc votre voyage sur la mer. La forêt prend de plus en plus de place, vous avez de grands arbres qui semblent s'extirper de l'eau comme essayant de s'en échapper, mais plus vous approchez de l'île des morts et plus ceux-ci semblent être morts, juste des carcasses, des squelettes qui agitent leurs branches, et vous arrivez enfin en direction de l'île des morts. Bon, bien à quoi sûr elle ressemble. Comment je demandais à quoi elle ressemble, mais je pense que voilà, oui. Ouais, non, juste avant, Ménéalos, pendant ce temps, Ménéalos est triste et éploré et se souvient du dernier regard de son grand amour qui disparaît. Mais moi, je te donne une accolade. Pleure pas, Ménéalos, tu vas le revoir, là. Ouais, c'est ma main qui traîne dans l'eau ensanglantée, là. Parce que bon, maintenant que tu Bien évidemment. Oui, c'est ça, le bateau. On laisse un sillage ensanglanté derrière nous, ouais. Exactement, voilà. Que les arbres se chargent de boire aussi vite que possible. Et donc, vous arrivez en direction de l'île des morts, qui semble être un immense pic recouvert de tristesse et de désolation, et n'étant absolument pas joyeux. Donc, plus vous vous en approchez, plus... vous sentez que la lumière du soleil a du mal à passer et vous avez plutôt l'impression d'être en fin de journée alors que il y a vraiment 10 minutes il y avait un soleil resplendissant qui illuminait la mer, mais là maintenant c'est vraiment une lumière jaune qui vient vous prendre. Donc, vous accostez directement ou vous avez quelque chose, vous voulez tourner un peu autour du pot, essayer d'observer, demander au prêtre, par exemple, des choses. Prêtre d'ailleurs qui colle toujours vraiment à Orfraie avec sa jambe à moitié tordue et continuant presque à supplanter le rôle du serviteur bien-aimé. Oh, ma maîtresse adorée, oh oui, vous êtes si belle, vous êtes si magnifique, oh là là là là là là, mais ne vous inquiétez pas pour votre main, voyons, votre voix suffit à supplanter cette perte. C'est pas un homme, Orphée ? Comment? Depuis le début, moi, je joue comme si c'était un homme. Ah non, moi, je restais parce que Thomas avait dit au début. S'il a envie de l'appeler maîtresse, il a le droit. Non, mais pour que moi, je sois dans le truc. Parce que... Ah oui, non. Tu me dis que c'est une fille, je la jouerais comme si c'était une fille. Non, Orphée est un homme. D'accord, ok. Ah, mon maître adoré, que vous êtes bon, que vous êtes grand. Enfin, voilà. Donc, moi, j'en profite pour dire un truc. Ouais, vas-y. Ouais. J'ai entendu une légende. Bon, là, c'est mon petit truc, en fait, pour introduire un élément d'univers. Des rumeurs. Ouais, j'ai entendu une rumeur sur l'île aux morts. C'est que tu peux... comment tu peux recevoir la visite d'un messager sur l'île aux morts qui vient t'annoncer des mauvaises nouvelles. Par exemple, qui va t'annoncer qu'un tel est mort, quoi. D'accord. Et en fait, comme vous le savez tous, si on tue le messager, on peut annuler la mauvaise nouvelle. Donc, si jamais vous croisez quelqu'un sur l'île aux morts qui vient vous dire bah, « Je dois vous annoncer que votre, par exemple, Orphée, je viens t'annoncer que ton père est mort pendant ton absence. » Mmh. Eh bien, si tu tues le messager, tu vas annuler la mort du père, quoi. Il sera de l'île aux morts, il sera renvoyé dans... Il faut que le messager soit mort avant qu'il le dise. C'est pour ça. Oui, bien sûr, le messager, c'est une personne vivante, hein, effectivement. Après, il y en a qui disent que quand tu es dans l'île aux morts, tu peux mourir une deuxième fois, et cette fois-ci, tu meurs vraiment pour de bon. Que l'île aux morts, c'est juste que tu es mort, mais tu es bloqué sur l'île, tu peux pas repartir, quoi. Et que peut-être que tu pourrais à nouveau mourir, et cette fois-ci, tu meurs vraiment pour de bon, quoi. Ça, c'est à vérifier. Mais ce que je veux dire, le problème, c'est qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est que si un messager vient vous annoncer la mort d'un être cher, ce messager sera aussi une personne qui vous est chère. Ah, d'accord. Donc, faut pas vous étonner si, genre, il y a votre fils qui vient vous voir pour vous dire que votre père est mort, quoi. Mais si vous tuez le fils, vous ressusciter le père, quoi. Ouais. Il va falloir choisir. Voilà. Je t'envoie des petites perches. Est-ce qu'on saura, avant de le tuer, de qui il nous annonce le décès, ou il faut le buter avant? Oui, bien sûr, tu le sauras avant, quoi. C'est-à-dire qu'il va t'annoncer, ah, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, papa est mort. Et puis il a fait, ok, bon, bah, clac, je te bute, comme ça, papa est renouveau vivant. Ben oui. Et en plus, je t'aimais pas, t'étais mon frère, mais je l'aimais pas. Ah bah non, si tu l'aimais pas, ça marche pas. Le messager, c'est forcément une personne que tu aimes. Juste, est-ce que ça peut être une personne d'autre aime? Imaginons, il y a un messager, qui est le père d'Orphée, qui vient pour annoncer la mort du fils d'Ulysse, par exemple. Oui, bien sûr, on peut effectivement, on peut triander comme ça, ouais. Ça marche. D'accord. Donc, voilà, ce que je disais, parce que le messager, c'est quand même aussi un point d'univers important, donc si on peut jouer, c'est cool. Ok, ça marche. Vous voulez, comment on demande des infos à l'oracle ou on y va comme ça à la sauvette on bah, peut le prêtre de toute façon, d'Artemis. Ah, le prêtre d'Artemis, c'est pas la même chose. Oui, effectivement, ouais. On peut pas vraiment lui demander d'infos sur l'avenir de toute façon, donc on n'a qu'à l'emmener. Ouais. J'ai une idée en fait, prêtre d'Artemis, parce que bon, normalement, on n'a pas le droit de ramener des gens des enfers, quoi. On peut pas t'acheter une petite faveur divine pour pouvoir pour avoir le droit de reprendre une personne des enfers. Zenas, par exemple. Ouais. Ou Eurydice, par exemple. Alors vous vous calmez tout de suite. On dirait les enfants qui ont le Père Noël, tu sais. Moi. Donc, oui. Bizarrement, Brachion n'a pas été évoqué. Ça, c'est. Ah merde, j'y pensais plus. Quand elle dit Eurydice. Non, mais en fait, c'est parce que moi, je vais en loose day, quoi. Je vous dis pas que j'ai des projets, quoi. Quand Orphée dit Eurydice, oui, je regarde en loose day Orphée pour te dire. Ça sera peut-être pas Eurydice. Je ferai tout. Quelle fourbe. Oui, mais le prêtre, c'est mon ami, donc c'est pour moi qu'il va le faire. Donc vous êtes tous sur le prêtre à essayer de lui arracher des faveurs divines. Lui est un peu dérouté. Oui, soit bien sûr. Maîtresse adorée, donc que puis-je faire pour vous? Alors j'aimerais pouvoir avoir tes faveurs divines me permettant de ramener Eurydice, ma bien-aimée, des enfers. J'ai encore dit maîtresse adorée, désolé. Oui, bien sûr, pour... Ouais, alors c'est un peu chiant parce qu'en mat... j'essaie de réfléchir en fait à un prix à mettre là-dessus, c'est le problème. Alors, pendant que tu réfléchis, moi j'ai je dis à Orphée, écoute, tu te doutes bien qu'il va te demander un truc bien dégueulasse en échange, quoi. Moi je te propose la chose suivante. C'est moi qui vais acheter la faveur puisque j'ai un pouvoir. Je vais acheter la faveur avec le pouvoir. Et puis, je te promets qu'effectivement, quand on trouvera Eurydice, j'utiliserai la faveur pour la faire revenir des enfers. Qu'est-ce que t'en penses? C'est plutôt un bon marché, quoi. Et moi, je murmure dans l'oreille à Orphée. Ne l'écoute pas, c'est un traître. Tu le sais très bien. Tu privilégies la légende plutôt que... Ce que j'adore, c'est... Alors, le type qui a sabordé votre bateau fait « T'inquiète pas, je vais tout risquer pour toi. Il n'y a aucun risque. Fais-moi confiance. » Et j'ai une idée. Hein, mais je l'ai fait. Et si je l'avais pas fait, bah, on n'aurait pas pu acheter le retour de Rizis. Je l'ai fait pour toi, Orphée. Ah, mais là-haut, tu es bien pessimiste. Je fais confiance à Ulysse. C'est bien. C'est ça ton problème, en fait. C'est qu'il fait confiance à trop de monde. Mais j'aime tout le monde, c'est pour ça. C'est vous. Le prêtre, lui, semble avoir une idée, mais attend qu'on le... Bah, je dis, écoute, prêtre, reste quoi, ne propose pas de prix, j'utilise mon pouvoir, donne-moi la faveur. Ouais, d'accord. Et donc, celui-ci se met un peu en retrait. Et... Moi, je suis prêt à accepter un prix si tu me permets de retrouver Xenas et de le ramener avec moi. Thibaut, tu fais ce que tu veux, mais ceci dit, si on est dans le jeu en cruauté tel que c'est conseillé, ouais. Entre guillemets, c'est un jeu dans les entiers, dans le tout ou rien. Ouais. En théorie, il faudrait que le prêtre dise bah non, c'est juste une personne, quoi. Je peux pas donner la faveur à tout le monde. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Attendez, j'ai un petit problème de micro. Ouais. Donc, bien sûr, mais malheureusement, Artémis ne pourra donner sa bénédiction que pour une seule personne. Les portes des enfers sont difficiles à franchir, vous vous en doutez bien. Mais allez-y, demandez-nous, mettez-vous d'accord, bien évidemment. Bah, c'est tout cuit, hein. J'achète la faveur et puis voilà, quoi. Donc, donc après, il faudra quand même que le prêtre lui demande au final, quand Eurydice sera là, ou Xenas ou n'importe qui, il faudra la ramener. Ça sera quand même le prêtre d'Artémis qui fera. Je crois que la faveur est déjà. Enfin, si vous payez maintenant, vous obtenez la faveur, en fait. Non, ouais, tout à fait, ouais. Voilà, parce que là, le prix, j'ai deux prix. Même si j'égorge le prêtre juste après, j'ai eu la faveur, quoi, tu vois. Ouais. J'ai plus besoin de lui, quoi, normalement. Après, tu peux être un peu plus méchant en disant qu'effectivement, il faut que le prêtre il reste avec nous et c'est lui qui obéira à l'ordre d'emmener la personne, tu vois. D'accord, ouais. C'est peut-être juste un artefact qui nous sert de monnaie d'échange. Concrètement, moi, ce que j'achète avec mon pouvoir, je vais être précis quand même, ce que j'achète avec mon pouvoir, c'est le droit d'emporter une personne des enfers. Tu vois, je dis pas le nom, quoi. D'accord. C'est une personne de mon choix. Très bien. Très bien, mais si tu ramènes cette personne, en fait, il faudra que tu donnes une partie de tes... que tu donnes des souvenirs, en fait. Et c'est ces souvenirs que la personne morte reprendra. C'est-à-dire que si... Attends, tu... alors, entre guillemets, parce que... Oui. Moi, j'ai déjà payé, j'ai donné mon pouvoir. Ah, tu veux dire avec le pouvoir. Oui, oui, excuse-moi. Non, ouais, parce que c'est... Oui. Voilà, j'ai déjà payé. Mais en fait, le... D'accord. Le joueur a le droit de définir le prix si effectivement le MJ valide le prix. Mais un pouvoir, tu es obligé de le valider, quoi. Oui, et c'est le joueur a le droit de définir ce qu'il obtient, en fait. C'est-à-dire que... D'accord. Bien sûr. Oui. Tu vois, c'est bref, je vais y arriver. Oui, non, voilà, j'étais pas du tout sur le pouvoir, en fait. C'est pour ça. Très bien. Donc le prêtre se tourne vers toi. Donc oui, tu définis, vas-y, vas-y. Donc prêtre, oui. Je te donne mon pouvoir que j'ai durement acquis en s'abordant le navire. Enfin, ça je le dis. Et en échange, accorde-moi la faveur divine d'Artémis qui me permettra de libérer des enfers la personne de mon choix. D'accord. Et donc, celui-ci te acquiesce de la tête et intercède en faveur de la déesse pour que tu reçoives cette sorte de laissez-passer. En fait. Ah, voilà. Je suis Elis, béni des dieux. Exactement. Poster. Alors, on aurait pu se frider, hein, Ménéalos et moi, hein, pour dire, bah oui, non, pour, oui, j'ai pour pas savoir qui a acheté en face. Ouais, en même temps, c'est toi qui avais le pouvoir. Ouais, mais toi, t'aurais pu payer autre chose. Non. Bon, tu veux... On sera même déterminé, non. Ok, ça roule. Ça me rappelle un certain pêtre dans une autre campagne. D'accord. C'est méchant, ça. Alors, ça, je le prends très mal. Je dois me manquer des clés de compréhension. Donc. Oui, bien sûr, c'est du private. Ok. Ok, très bien. Donc voilà, donc vous avez fait vos préparatifs et il semblerait que vous soyez prêt à aller sur l'île des morts. Ouais, ça roule. Bon, bah, voilà, vous voyez vos compagnons sur les côtés qui ne sont absolument pas motivés. C'est-à-dire qu'eux vous suivent pour revenir chez eux et vous voulez. Ouais, on n'a pas besoin de ces lâches, hein. De toute façon, ils peuvent rester à prendre soin du bateau, quoi. Tu peux nous décrire l'île des morts ou... Oui, voilà. Donc, j'attendais que vous y mettiez les pieds, mais en fait, voilà, l'île des morts, c'est une sorte de gros pic rocheux, dont, avec de nombreuses facettes qui semblent... qui, en fait, vous pouvez entrevoir les visages de personnes qui passent furtivement dessus, comme un résidu, en fait, comme s'il y avait des âmes qui s'y étaient fixées, mais qui changeaient de temps à autre, mais qui n'étaient pas fixes. Donc vous arrivez sur l'île des morts avec un tapis de cendres, vous marchez sur un tapis de cendres, et plus vous avancez, plus vous rencontrez des âmes qui gagnent en intensité au fur et à mesure que vous vous rapprochez du centre de l'île. Donc au tout début, sont juste des... Comme un halo de lumière, et au fur et à mesure, elles prennent de plus en plus corps et vie. Voilà. Donc, vous avancez jusqu'au Styx, c'est ça ? C'est ça. Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc les morts de plus en plus dansent autour de vous. Commence à remarquer que vous êtes là, commence à s'approcher de vous, à vous toucher. Vous avez des gens qui vous reconnaissent, même Ulysse, enfin, tous, vous étiez tous à la guerre de Troie de toute façon. Donc, vous avez des gens qui s'approchent de vous, qui vous touchent les mains, et quand ils font ça, vous ressentez... Vous avez souvenir des combats de Troie, des effusions de sang, du saccage de la ville à la toute fin, du moment où vous avez débarqué dans la ville en pleine nuit pour égorger les femmes et les enfants, brûler les temples et tuer les vieillards. Et donc vous voyez qu'en fait ce sont des gens de, il y a énormément de gens qui viennent de Troie en fait, et donc qui sont arrivés sur l'île récemment par votre faute. Ça fait un peu réfugié syrien, quoi. Il doit y avoir c'est plein. Ça, ouais. C'est ça. Ils sont dans des baraquements. Des gens vivants, ils sont là. Donc voilà. Mais ils ne vous disent rien pour le moment. Mais vous reconnaissez un type d'habit, des armes bréchées. En fait, ouais. Je fais un truc, c'est que j'enlève mon armure pour éviter qu'on me reconnaisse en tant que grec, parce que finalement, je me sens quand même assez mal, étant quand même assez responsable de toutes ces tueries. Oui, c'est ça, il y en a pas mal qui sont là à cause de toi. C'est ça. Donc, j'enlève mon armure pour être un petit peu undercover. C'est ça, vous êtes bouché en plein milieu du cimetière. Et toi, Orphée, est-ce que tu gardes ton armure de grec? Oui, moi ça va, mais je chante une petite chanson pour remonter le moral des troupes. Le soleil brille, brille, brille. C'est ça. Et donc, voilà, c'est désolé que la voix d'Orphée s'élève au milieu de cet océan de mort et de tristesse. Vous entendez ça et là aussi également des cris de bébés qui arrivent sur les oreilles. Et donc, on les entend bien. Ah, il y a une île exprès pour eux. Exactement, voilà, c'est ça, il y a une garderie sur l'île des morts, exactement. Donc, vous continuez votre exploration. Et enfin, vous entendez un bruit d'eau, mais pas un courant fort, vraiment. Une chasse d'eau ? Quelque chose d'assez calme. Vous franchissez un petit col et vous vous retrouvez et vous voyez enfin le Styx tel qui est décrit dans les légendes qu'on vous racontait lorsque vous étiez enfant. Et, peut-être rajoute une référence à un thème de Millevaux. Ah oui, les thèmes, j'oubliais, oui. Et vous voyez des... Qu'est-ce qu'on... Voilà, avec des épaves de bateaux qui sont un peu partout et des gens qui montent, enfin des morts plutôt, qui montent en haut des mâts pour éviter d'être pris. Et vous remarquez qu'à chaque fois qu'ils sont touchés par l'eau, ils se vaporisent presque. Ils sont comme dissous, comme si c'était de l'acide. En fait. C'est des morts qui essaient de s'échapper, ça ? C'est ça, c'est des morts qui en fait sont sur des épaves. Et ouais. Les épaves sont sur le fleuve. En fait. Les épaves coulent peu à peu. Il y en a énormément. Mais vous voyez les gens disparaître peu à peu et bien évidemment crier atrocement lorsque cela arrive. Ouais. Alors Ulysse, vous êtes prêt à traverser et à voir vos proches décédés de l'autre côté hein ? Oui, bien sûr. Pour ma belle Eurydice, je traverse le Styx. Ouais. Bon, ça va. Je touche du bois pour le moment. J'ai l'impression qu'on n'a eu aucun messager qui s'est approché de nous. Forcément, les messagers, c'est des messagers vivants. Je pense qu'ils sont de ce côté-là de la rive. Ouais, d'accord. Je pose la question. Ça va pour le moment, pas de messager ? Et c'est au moment où tu dis ça, Diantre, que... Il y avait Ménalos qui avait une question. Ah oui, oui. Non, j'attrape le bras d'Orphée avant que le message arrive, de toute façon. Mais, et je lui dis, Orphée, oui je murmure pour pas que tu lui s'entendes. Oui, mon brave serviteur. Que ferons-nous quand une fois de plus, Ulysse t'aura trahi ? Mais pourquoi veux-tu qu'il me trahisse ? J'ai pleine confiance en Ulysse. Il nous a amenés jusqu'ici pour venir rechercher ma belle Ulysse. Tu ne réponds pas à ma question. Mais c'est absolument inconcevable. Ulysse nous aime, il ne ferait jamais ça. Je suis toujours émerveillé par le comment dire la vision que tu as de l'homme. C'est magnifique. Oui. Ça me rappelle une autre joueuse. Si Ulysse nous trahissait, il sait très bien que nous le tuerions et nous le laisserions à la place de Ulysse. Et ça, tu le dis fort ou toujours en chuchotant ? Non, pas fort, plutôt en chuchotant. D'accord. Et puis presque sur le ton de la blague, mais oui. parce que je ne crois pas. Encore de l'humour grec. Moi, je voilà. regarde et j'ai un petit rictus qui dit oui, il nous trahit, nous le tuerons. C'est ce que ça veut dire, le rictus. Voilà, c'est ça. D'accord. Et au moment les yeux enflammés. Et au moment où vous finissez cette aparté joyeuse et pleine de bons sentiments, vous sentez que de la cendre se soulève derrière vous tel un nuage et qui vous recouvre presque entièrement. Et lorsque le nuage redescend, vous voyez juste derrière vous une vieille femme assez belle avec les cheveux attachés à l'arrière et qui ressemble assez fortement à Orphée. Tu reconnais ta mère. Maman. Orphée. Ça va, il faut tellement que tu nous fasses le doublage de la vieille. Tu sais très bien faire les vieilles. Ah, mon fils. Ça fait tellement longtemps, non, c'est pas plus. Mais que fais-tu sur cette terre, désolé. Mais que fais-tu ici, maman? Je viens t'annoncer une terrible nouvelle. Ton père est mort. Mon père est mort? L'autre jour. C'est une surprise, n'est-ce pas? Tu ne t'y attendais pas. Je suis désolé, non, c'est arrivé d'un coup. C'est arrivé d'un coup. Poséidon l'a repris. Il s'est noyé en pêchant, c'est ça? Comment? Il s'est noyé en pêchant? Oui, c'est ça. Voilà. Sérieusement, elle rigole. L'accident bête. Ah, mais c'est pas... C'est encore de l'humour grec. Un bête accident d'arc. C'est ça. Apparemment, Poséidon était dans une rage terrible lorsqu'il était en mer. Selon les oracles, on aurait tué son fils et les mers se sont déchaînées pendant des jours. Et il a été emporté par les flots. Mais ce n'est pas possible. Et si. Apparemment, c'était Poséidon a décidé de prendre un être cher pour un autre être cher. Je suis désolé. Que faire? Je ne sais pas. Je voulais juste que tu saches. Et tu... quand je m'approche de toi, puis je fais Orphée, elle a l'air vieille ta mère, non? Tu vois? Ma mère est une muse. Dis pas trop de mal, Ulysse. Elle a peut-être une voix un peu moche, mais elle est très jolie. Je ne te permets pas. C'est très dur là. Et à ce moment-là, le choix entre ma mère et mon père. Mon père qui m'a appris le mystère de Dionysos. Pendant que tu réfléchis à tout ça, tu as un flash et tu te rappelles des moments passés avec tes parents, sachant que c'est ta mère qui t'a éduqué aux arts. Tu te rappelles d'elle quand tu étais petit et qu'elle te chantait des chansons. C'est elle qui t'a donné envie de créer, et qui a fait de toi le personnage connu que tu es, en fait. Mais en même temps, tu te rappelles de ton père et du moment où il t'a appris à naviguer et qui t'a permis de quitter ta terre natale, et donc de découvrir le monde, de découvrir d'autres arts, d'autres cultures. Et Eurydice. Et deux personnes formant deux pendants de ton identité. Et Eurydice. Et Eurydice. Ouais. Donc, comme techniquement, j'ai oublié qu'il m'avait appris à naviguer. Ah oui. Je me souviens surtout que ma mère m'a appris la poésie et les chants. Oui. Tu t'en souviens en agitant ton moignon? En agitant épiquement mon moignon. Et donc j'aimerais que ma mère se joigne à nous pour cette traversée et qu'elle m'aide à récupérer Eurydice, mon épouse. Ça se fait ça, Thomas? En fait, là, concrètement, oui, ce qu'elle vient de faire, c'est de renoncer à sauver son père. Ouais. Donc, le renoncement, c'est une façon de jouer qui est tout à fait légitime. Non, et je veux dire, par rapport à la mère, le messager qui accompagne, en fait. Pourquoi pas? Je veux dire, plus on est fou, moyen de rire. Parce que c'est vachement intéressant. Parce que, à mon avis, la mère, elle a pété une pique quand elle va voir son père aux enfers, sachant qu'elle va peut-être réclamer à ce qu'on sauve le père plutôt que Eurydice. D'accord. Voilà, comme je le sais pas encore, et qu'il reste une place dans la barque. Ouais, bien sûr, il y a de la place. Et puis surtout, je suis très atteint par le décès de mon père et de ma main. Donc, moi, je suis pour qu'elle nous suive, parce que avoir une personne chère à sacrifier, c'est toujours utile. Alors ça, c'est... Oui. Moi, j'aimerais avoir ma maman à mes côtés, parce que... C'est horrible, ce personnage. Thomas Munier, tu es quelqu'un d'horrible, je le dis. Non, mais c'est Ulysse, il est pragmatique. Voilà. Donc, depuis un bête accident de barque étant jeune, j'ai peur en bateau, alors j'aimerais que ma maman reste à côté de moi. Oh, elle va te prendre dans ses bras. Ok. Du coup, il ressemble à quoi, Charon et sa barque, hein? Vous arrivez au niveau de la barque. Vous voyez. D'ailleurs, je crois que dans le bouquin, Charon est décrit. Mais j'ai pas toutes les descriptions. En fait, si tu me les remets en tête, je m'en souviens, mais sinon, non. Mais de toute façon, je peux broder. Hein. Enfin, c'est comme ouais, tu vas-y, veux. Vas-y, parce que là, je suis loin d'ordinateur, donc ouais. Vas-y, Brod. Éventuellement, ouais. Utiliser un thème de l'univers si tu veux renforcer le truc. Ok. Donc, vous arrivez jusqu'à Charon. Donc, celui-ci, vous le voyez, en fait, il a deux yeux. Enfin, en fait, ses deux yeux sont remplacés par deux pièces d'or. Qu'il essaye de fixer en permanence, en fait, mais les pièces tombent pour une raison logique, c'est parce que ça ne peut pas tenir en l'état. Et donc, il essaie de les ajuster en permanence, en faisant des mimiques avec son visage, en essayant de tenir, en contractant ses muscles, mais ça ne tient pas. Et donc, il passe également son temps à chercher ses yeux, en fait. Et donc, vous le voyez totalement perdu. Lorsqu'il vous entend arriver, il semble chercher encore plus vite, comme s'il était embêté de ne pas être présentable. Oh mon Dieu, où sont-ils ? Il en récupère un et il le tient. Il récupère une pièce et il la tient devant son orbite, en fait. Il le fixe. Ah, vous. Bonsoir, voyageur. Que faites-vous dans ces terres ? Il essaie de se donner un peu de prestance parce qu'il n'est pas tout à fait prêt. Il est gêné, vous le sentez un peu. Comme quelqu'un qui ferait tomber son banc, si vous préférez. C'est Orphée qui a les pièces, hein, je crois. Hein. Oui, mais ensuite, voilà, ouais. vous avez les pièces. Mais voilà. Donc, il en a une à lui et elle semble lui permettre de voir. Ah, bonsoir, voyageur. Et votre heure n'est pas encore venue ? Vous ne criez pas, votre corps ne tombe pas en morceaux et vous semblez heureux. Que faites-vous en ces terres ? Ah oui, c'est vrai qu'on a l'air tellement heureux, je pense. Vous venez, mine de rien, vous êtes au bout de votre quête, là. Ouais. Ouais. C'est vrai. Oui, bon, après. So voilà. Close, so close. Voilà, bon, on fait ce qu'on a. Donc, ouais. Donc, Que venez-vous faire ici ? Nous venons chercher mon épouse, Eurydice, qui a été injustement mise aux enfers. Vous pensez que les Troyens ont été justement mis aux enfers, dans ce cas ? Oui, ils l'avaient bien cherché, c'était des losers. tu vois que les Charon montre son mécontentement 10 secondes, puis t'ignore. Ils ont misé sur le mauvais dieu. C'est... Ouais, bon. Et ça va, hein, on se calme, hein, l'hôpital de la santé, tout ça. Donc, vous voulez passer de l'autre côté, j'imagine. C'est bien ça. Très bien. Eh bien, il va vous falloir payer le prix. Voici ton obol, mon brave. Est-ce que ça suffira pour toute notre petite troupe ? Tu fais glisser les deux pièces entre ses mains et il les regarde un instant et son visage s'illumine. Oh, bien, bien, bien évidemment, comme elles sont brillantes, c'est magnifique, un travail d'orfèvre, merci. Bien, prenez place sur la barque, bien sûr. Précision technique, monsieur, ouais. Charon, si du sang commence à couler de votre barque, pas, c'est normal. Il ne faut pas vous inquiéter. Oui, bien sûr. Oh, là, allez, avancez. Nous n'avons pas toute la journée. Je n'ai que l'éternité pour régler le carnage que vous avez fait à Troyes, monsieur Ulysse. Allez, avancez. Qui vous a donné mon nom ? Comment ? Qui vous a donné mon nom ? Vous êtes à la solde de Poséidon, c'est ça ? Non, je vois passer... Vous croyez vraiment que je ne vois pas passer les gens morts ? Un cyclope est arrivé récemment, si cela vous intéresse. Allez. Sale petit after. Non, ça ne nous intéresse pas. Non, non, ça nous... très bien. Non. Allez, c'est pas vraiment lui qui l'a tué. Hein, mais... Apparemment, il était un peu énervé. Mais ce n'est pas grave, il ne fera plus de mal à personne. Montez. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Dépêchez-vous. Ouais, effectivement, donc, c'est vrai en plus. Vous montez sur la barque donc, et vous commencez à franchir le fleuve. Donc, lorsque vous passez à proximité des des épaves. Les gens tendent des bras vers vous. Emmenez-nous, s'il vous plaît, ne nous laissez pas ici. Et Charon, lui, imperturbable, continue de tirer sa barque. Et une femme semble vous tendre un bébé. S'il vous plaît, emportez-le de l'autre côté, ne le laissez pas tomber. Et elle tend le bébé vers Orfraie et vers sa maman. J'imagine que tu ne le récupères pas, si ? Ah bah non, parce que j'ai pas de main. De toute façon, il n'y a que moi qui ai le pouvoir. Il n'y a que moi qui aurais le pouvoir de récupérer ce bébé, mais tu comprends bien que je garde cette faveur pour Eurysice. Voilà. J'utilise l'excuse de mon moignon pour lui montrer que je ne prends pas le bébé d'un air désolé. Elle t'agite son bébé et toi, tu lui agites son moignon. Désolé. Voilà, d'un air faussement désolé. Je ne voulais pas. Pas et désolé. Et la barque, donc, parvient à l'autre rive. Et donc, Charon vous fait signe de descendre et se remet à admirer ces deux pièces. Comme elles sont belles, comme elles sont magnifiques. Et voilà. Donc, où est Brachion ? Où est Brachion ? Brachion ! Brachion ! Où es-tu ? Brachion ! Brachion ! Mais enfin, Ulysse, que fais-tu ? Nous cherchons Eurydice. Bah oui, d'accord, mais j'ai quand même le droit de causer un petit peu avec mon frère d'armes. Non ? Je sais pas. Oui, ouais. Brièvement alors, parce qu'on a autre chose à faire. Silence ! Tu vois une... Et au moment où tu dis ça, tu vois une traînée de sang qui semble se former par terre, comme si le sang goûtait du ciel, et formait un tracé qui t'emmène de l'autre côté d'une petite colline. Là, c'est étrange, c'est-à-dire que vous avez une chaleur assez étouffante qui vous prend. Mais en même temps, vous grelottez de partout. Vous étouffez, mais en même temps, vous avez l'impression de... Cette chaleur me glace le sang. Exactement, voilà, Thomas, c'est exactement ça. Et donc, tu suis la traînée de sang ? Oui, bah, bien sûr, ça me paraît très naturel. Évidemment. Mais moi, j'utilise mon amour pour Eurydice, telle une boussole qui m'emmène vers elle. Vous vous séparez donc ou vous restez groupés ? Moi, l'idée, c'est de récupérer Brachion et de toute façon, après, retrouver les autres. Ok. Bah, moi, l'aspect, c'est de rester à côté d'Ulysse pour pas qu'il trahisse Orphée. Bonne idée. Ouais, et moi, je vais chercher Eurydice. Tu cours donc et au bout de la traînée de sang, en fait, tu vois la gorge ouverte de Brachion qui semble jouer au dé. En fait, Je te cherchais, mon frère. Comment ? Je te cherchais, mon frère. Il relève la tête. Oh, Ulysse, te voici. Mais que fais-tu là ? Es-tu heureux de me voir ? Oh oui, particulièrement. Je suis surtout heureux de voir que tu n'es pas venu, que tu es venu ici de ton plein gré. J'aurais été triste de m'être sacrifié pour rien. Ta légende ne doit pas s'arrêter, tu le sais bien. Oui, en plus. Que viens-tu faire ici, donc ? Tu vois cet homme sur cette colline qui pousse un rocher énorme ? Mmh. Oui, je l'observe pour l'éternité. Oui, oui, oui, le titan, bien sûr. C'est mon père outrageux. Ah, celui-là, c'est vrai. Oui, J'ai longtemps planifié de venir le tuer une seconde fois, de venir lui cracher au visage. Mmh. Es-tu heureux ? D'uriner sur son rocher, je ne sais pas. J'ai imaginé mille humiliations pour lui et tout. Mais il y a quelque chose qui te retient. Non, je crois que la meilleure vengeance, c'est que je ne vais pas aller le voir. Je le regarde sur son rocher, je me délecte du spectacle et je passe à autre chose. Ah, oui, mais bon, n'est pas très charitable. Tu pourrais, je ne sais pas, tu n'as aucune curiosité de voir. Et là je m'énerve, j'entre en oubris, oui. Tu vois. Ouais. La charité ! Mais qui a été charitable pour Ulysse ? Qui a été charitable pour ma mère ? Qui m'a donné la charité à moi ? Il passe une main entre au niveau de la fente qui balafre son cou. Je ne sais pas. Mais il y a plus de gens qui te suivent que tu ne le crois, Ulysse. En tout cas, moi, je suis ici. Ces gens-là, je vais les sauver. Sisyphe ne mérite pas. Sisyphe ne mérite pas ma clémence. Toi, si. Tu es trop bon, Ulysse. Mais c'est... Ça va, je sais, c'est toujours été mon défaut. Oui, non, oui. Mais c'est... Mais c'est dommage. Car comment reviendras-tu du royaume des morts si tu lâches un des derniers avantages que tu gardes sur les dieux? Athéna ne pourra pas te sauver éternellement, tu le sais bien. Ah, en plus, ma quête, c'était revoir Sisyphe. Donc là, je renonce à ma quête. Ah oui. Bah, tu l'as vu, c'est lui qui t'a pas vu. Oui, c'est vrai. Enfin, voilà. Donc du coup, je passe à autre chose, tout simplement. Enfin, c'est une façon de finir sa quête, en fait, tout simplement. Je décide que voilà, j'en ai assez, quoi. Je fais « Viens, Brachion, je vais te présenter… allons revoir des têtes familières, dernières retrouvailles. Hein. » Bref, là, l'idée, c'est de retrouver Xenax, ouais. Eurydice, ben, tout le monde, quoi. Toute la clique. Ulysse. Ouais. Ulysse, je suis mort. Tu m'as tué, tu t'en rappelles? Oui, mais on est sur l'île des morts, là, donc on peut se promener sur l'île des morts. Mais... Donc on peut aller retrouver les autres. Pourquoi suis-je ici, à ton avis? Tu es ici parce que tu t'es sacrifié pour moi. Non, derrière cette colline. Ton père ne m'a jamais adressé la parole. Et honnêtement, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de me rappeler du passé. Ça a été un plaisir de te voir, vraiment, mais je suis mort. Oui. Le bateau n'a pas redémarré tout seul. Attends, il a fallu que tu me laisses sur cette plage. Et moi, je murmure, je fais « Non, mais j'ai tout préparé, je peux te ramener. » Tu es sûr de ça? On va rentrer. Bon. Essayons. Mais je ne pense pas que les dieux soient assez avec toi pour que nous réussissions cette expédition. Mais si, j'ai acheté la faveur des dieux. Je l'ai fait pour toi, mon Brachion. Tu vois, puis je lui attrape les bras et je l'embrasse, quoi. Je fais « Brachion, ne perds pas espoir, ne te laisse pas corrompre par la dérédiction des enfers. » C'est à ce moment-là que je sors de derrière un rocher. Qu'est-ce que tu faisais derrière un rocher? Je savais que tu allais trahir Orphée. Ben, c'est toi qui décides. Hein. C'est toi qui décides. Je pense que non, je vais d'abord trouver Eurydice. Ok. Je suis trop proche de moi. Parce qu'en plus, il nous reste 5 minutes pour gérer le truc. Ouais. Est-ce qu'on peut jumper justement sur Eurydice avant de conclure entre Ménélaos et moi? T'es d'accord, Eric? Ah, bah oui, bien sûr. Ok. Faisons ça. Donc on revient sur Orphée donc qui recherche donc l'amour hein? Eurydice. Eurydice, ouais, guidée par mon amour. Oui, qui recherche donc Eurydice, l'amour. Et donc sur ton chemin donc tu vois un escalier creusé dans la roche et qui monte. C'est ça. Et donc, qui monte. Et tout en haut, tu vois, tel un rayon de soleil, ta bien-aimée Eurydice qui semble attendre qu'on vienne la chercher et qui regarde dans le lointain avec un regard vide. D'accord. Tu montes les marches, donc ? Je monte les marches, évidemment. Tu montes les marches le plus vite possible. Et au bout d'un moment, tu es dans ton envolée, tu trébuches, en fait, dans les escaliers. Et tu te retrouves nez à nez avec ton père. Avec mon père. Aussi. C'est ça. Ça pour une surprise. Celui-ci tourne la tête vers toi avec un grand sourire. Il y a ta mère qui t'accompagne là. Oui, la mère est juste derrière. Elle, par contre, elle s'est pas cassée la gueule et elle a très bien vu ce qui s'est passé. Donc. Père, et puis, vous ici. C'est ça. Et ton père tourne la tête vers toi. Oh, Orphée, te voilà. Tu es venu me chercher. Comment ? Je suis venu te voir et te montrer mon moignon. C'est si gentil. En fait, j'ai accompagné maman qui voulait te voir. Ah, il tourne la tête. Mais qui est cette vieille femme ? Il se retourne vers toi. Allez, viens, mon petit garçon. On va apprendre à naviguer. Et il semble en fait se comporter avec toi comme lorsque tu avais 6 ans. Mais enfin, père, vous ne reconnaissez pas Calliope, votre épouse. Il a dû se rebaigner dans le Styx, il a oublié une partie de sa vie. Ah, ne commence pas à rouspéter. Après, tu vas encore te noyer dans l'eau et ta mère va dire que c'est de ma faute. Allez, viens. Et il semble te traîner vers le Styx, donc vers le bas des escaliers. Père, je ne peux pas. Ouais, ouais. Donc là, je le repousse un petit peu rudement, okay. Le vieux. Mais enfin, mais pourquoi ? Mais enfin, et il commence à passer une main sur ton visage. Mon petit garçon, que t'arrive-t-il ? Je suis venu chercher ma bien-aimée, ma douce Eurydice. Venez m'aider à aller la payer. Et juste derrière, ta mère commence à t'interpeller. Mais enfin, c'est ton père, sauve-le maintenant, repartons ensemble. Ce n'était pas ce que tu voulais, repartir vers chez nous. Oh, quel dilemme. Je pousse mon père sur ma mère de façon à ce qu'ils trébuchent un petit peu ensemble et je me rue en haut des escaliers. Et tous les deux tombent dans les escaliers. Je ne sais pas en quel état on va les retrouver à la fin. Et tu achèves les quelques marches qui te séparent du sommet. Là, tu sens un pincement de cœur. L'ascenseur émotionnel fonctionne à plein régime. C'est-à-dire que là, tu as vraiment l'amour de ta vie qui se dévoile devant toi comme tu l'as rêvé chaque jour passé sur ce foutu rafio avec ses héros orgueilleux et ses serviteurs incapables. Et tu entends le prêtre d'Artémis qui court à ta suite avec sa jambe à moitié tordue qui fait clop clop clop clop clop clop. Maîtresse, bien utile, ça en fait du monde. Et ton regard n'est absorbé que par le visage de ta bien-aimée qui ne semble pas te voir. Bon, juste pour information, tu prends un peu en otage les émotions du personnage. Bon, oui, c'est oui, normalement, désolé, il vaut mieux te concentrer sur la description de Eurydice. Mais tu peux dire, elle est venue te visiter toutes les nuits en rêve, par exemple, tu as le droit de le dire. Oui. Ok. Oui, j'ai bien compris, désolé. Voilà, c'est juste au passage pour le tutoriel. Hein. Donc du coup, on va rejumper sur nous deux, si tu veux bien. Ouais, ok. Revenons donc, alors que tu viens de retrouver Eurydice, nous deux. Vous deux, donc, vous êtes en confrontation. Tout à fait. Ménéalos, c'est pas moi qui suis cruel, c'est les dieux de ne permettre de n'en sauver qu'un. Toi-même, ne voudrais-tu pas sauver Xenax ? Tu es un traître, c'est tout. Et toi qui complotais l'idée de me laisser sur l'île du Cyclope. N'es-tu pas un traître en puissance? C'est juste trop lâche pour mettre les choses à exécution. Tu vas voir si je suis lâche ou pas. Et là, je sors ma lance et j'essaie de l'empaler. Et là, réfléchis bien. Si on se bat, on va s'entretuer. Si on s'entretue, tout le monde perd. Je suis la seule personne qui est capable de sauver quelqu'un des enfers. Mais tu es un traître quand même et tu ne feras jamais... Tu ne sauveras jamais Eurydice. Remarque. S'il y a un truc, en fait, si Ulysse meurt, la personne qui le tue devient Ulysse. Si la personne qui le tue meurt aussi, c'est le dernier joueur qui va... En fait, ce qui va se passer, c'est que... Bon, en fait, là, on se combat à mort tous les deux, t'es d'accord? Ouais. On s'entretue? On s'entretue, c'est la seule logique possible, sauf s'il y en a un qui renonce son combat. Moi, j'y vais à fond. Hein. Je me rue sur mon glaive, sur toi, en criant « Brachion !» C'est à ce moment-là que tu viens de t'empaler dans ma lance, mais j'ai réussi à enfoncer mon glaive dans ton cœur en même temps, quoi. Tu sais quoi, moi je vais rejoindre Xenas. Et moi je crache du sang, je fais maudit soit les dieux. Et toi tu rejoindras ton père. Et juste derrière, tu as bien sûr, vous avez bien sûr le compagnon d'Ulysse, cher à son cœur, qui essaye de le soutenir, mais avec grande difficulté, vu que c'est lui-même qui tombe en morceaux. Brachion, nous sommes unis à jamais. Enfin, nous sommes ensemble sur l'île des morts. Tu as échoué, Ulysse. Tu as échoué. Les bateaux peuvent s'échouer, mais ils repartent toujours. Déjà un nouveau prend le rivage. Et en l'occurrence, je me tourne en pensée vers Orphée, qui reprend mon titre. Ah oui, d'accord. Grâce à moi, Orphée, c'est grâce à moi. C'est ça, les braqueurs t'emmènent et te proposent d'aller vers le Styx pour conclure cette histoire. Baignons-nous, Brachion. J'enlève tous mes vêtements. Ouais. Et tu saignes dans le Styx. Et vous, ouais, voilà, et ouais. Vous disparaissez, voilà, et vous disparaissez dans l'eau, laissant vos souvenirs disparaître et reposer en paix. Ok. Revenons-en à la dernière survivante de cette histoire. De ce carnage. Orphée. Oui, donc. T'as récupéré mon historique, donc t'as récupéré ma faveur divine aussi, du coup. Quoi. Ouais, c'est tout bénef. Ça, c'est bien. Mais j'ai récupéré enfin Eurydice. Ouais, mais j'ai juste une question. Est-ce qu'elle reste Orphée ou elle devient Ulysse Orphée, en fait? C'est plutôt ça, c'est ma question. C'est un mélange des deux, ouais. C'est un mélange d'accord, des deux. Donc elle reste. C'est-à-dire qu'elle est Orphée maintenant, désormais héritier d'Ithaque. Enfin, c'est vraiment, c'est le top, okay. Quoi. Il est tout, quoi. Putain, il va revenir à Ithaque. Récupère les propriétés et les maisons. En même temps, il est amoureux de Ulysse, il est amoureux de sa femme, là, comme Pénélope. Putain, ouais. Ça a clashé. Ah oui, c'est vrai, ça va un peu, ça va frotter un peu, ouais. C'est vrai, j'avais pas pensé ça. Je te présente Eurydice, Pénélope. Truc, ambiance. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le mot de la fin, du coup? Et donc, si on peut finir sur quelque chose d'un peu ouvert, si ça vous va? Ou alors. Moi je suis très. Isabelle, ton là, on a, voilà, on a Ulysse Orphée qui est face à son amour, face à son amour qui balaye l'horizon d'un regard vide. Oui. Est-ce que tu veux conclure ou je laisse sur quelque chose de très très ouvert? Ou tu as une idée de. Tu peux conclure sur quelque chose d'accord. D'ouvert. Et donc celle-ci tourne son visage vers toi et tu remarques que son regard est vide et qu'elle semble chercher qu'elle cherche à te reconnaître, en fait, qu'elle ne voit pas qui tu es. Et c'est ainsi que se finit ce pan de ta légende. D'accord. Pour le moment. Alors, je vais couper direct un instant. Je peux couper direct ou vous avez quelque chose à ajouter? Moi, c'est bon. C'est bon. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.